couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 13. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Si vous souhaitez nous écrire, je vous donne tout de suite notre adresse email, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Je vous invite également à rejoindre le forum Europe Écologie Les Brins, qui accueille tous ceux qui le souhaitent et qui veulent participer aux différentes sous-sections du forum, section informatique, section crypto, section révisionnisme, où d'ailleurs Vincent Renoir est présent, il répond à certaines questions aussi, présente son contenu, c'est un sujet très important le révisionnisme, actualité, guide racial des villes, etc. N'hésitez pas à le rejoindre. Sans transition aucune, je présente les membres de cette semaine. Nous sommes en équipe réduite, mais de qualité, je dois dire, pour commenter les élections présidentielles 2022, le résultat, bien entendu, que tout le monde guette sans guetter, avec plus ou moins de passion. Nous allons voir ça dans quelques instants. Alors, je vais commencer avec Vincent Renoir, qui, pour la deuxième semaine de suite, nous fait l'immense plaisir de nous accueillir. J'espère qu'il va bien, Vincent. Ça a l'air d'aller. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Le plaisir est pour moi et je vais très très bien. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à cette émission. Et aussi avec nous cette semaine, Pierrot. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien, Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde. Et aussi avec nous, Derek. Salut Derek. Bien le bonjour Gandalf, bonjour à nos chers amis Pierrot et Vincent et bonjour à tous les auditeurs. Comme de juste, je tiens à remercier nos donateurs qui nous soutiennent. Cette semaine, pas de courrier en particulier de donateurs, mais si vous le souhaitez, si vous nous soutenez, vous pouvez le faire en nous adressant un courriel à l'adresse email que je vous ai donnée précédemment. Sachez que, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez nous soutenir financièrement en crypto-monnaie, exclusivement par Monero, qui est la seule crypto-monnaie, pas exactement la seule, mais en tout cas la plus facile d'utilisation, celle qui est la plus utilisée, avec ses qualités spécifiques, c'est-à-dire les qualités d'anonymat, donc qui mérite véritablement le nom de crypto-monnaie ou de monnaie chiffrée, hein, en bon français. Donc vous pouvez nous soutenir, merci à tous ceux qui le font. Tous les mois, on a des donateurs qui ne se signalent pas, mais qui nous soutiennent. On sait qu'ils le font, et on respecte bien sûr leur anonymat. On ne pourrait pas faire autrement de toute façon grâce à Monero, ou à cause de Monero. Mais merci à vous d'être de fidèles soutiens, et merci à tous. Voilà, adoption de crypto-monnaie Monero pour nous soutenir si vous le souhaitez. On vous y encourage, et on vous encourage d'une manière générale à vous familiariser avec les crypto-monnaies, avec Monero, y compris pour d'autres usages. C'est très évident. Alors messieurs, commençons tout de suite cette émission. On va parler des élections en filigrane et ensuite franchement dans la deuxième partie. Mais avant un petit peu tout cela, je voulais brièvement passer sur la situation relative à l'Ukraine, à la Russie et à ce qui se passe un petit peu à l'est de l'Europe, puisque de fait nous sommes bombardés quotidiennement d'une véritable propagande de guerre. Bon, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et il y a eu un point d'orgue, si vous en souvenez, très tôt d'ailleurs, hein, dans le début des hostilités. Donc les hostilités ont commencé le 24 février dernier. Début mars, Bruno Le Maire a fait des déclarations très martiales au plan économique, assurant que les sanctions qui étaient prises par la France, par l'Union européenne, par les États-Unis d'Amérique, mettraient à genoux, allaient faire s'effondrer l'économie russe. C'est ce que nous avait dit donc Bruno Le Maire, ministre d'Emmanuel Macron de l'économie. Deux mois plus tard, nous avons du recul sur ces sanctions. Et l'objectif avéré, notamment de l'expulsion de la Russie du système SWIFT qui permet des paiements internationaux, était un petit peu le saint graal des sanctions. On allait débrancher en fait la Russie de l'économie mondiale, l'empêcher de commercer, l'empêcher de vendre, d'exporter, et ça allait précipiter l'explosion de l'inflation, faire s'effondrer, comment dirais-je, la capacité d'endettement de la Russie pour financer diverses choses, le coût de la vie, devant aboutir in fine à une espèce de révolution qui ferait tomber Vladimir Poutine. Ça, c'était le scénario. Deux mois plus tard, la situation est quelque peu différente, puisque nous apprenons qu'en fait, l'Union européenne admet qu'elle a perdu la partie au plan, justement, de l'isolement de la Russie. Et c'est pas rien. Alors, je cite cet article de la Nouvelle Tribune.info qui reprend toute une série de dépêches, hein, vous allez voir. Donc, voici ce que se dit cet article. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie et ex-président russe, a réagi avec ironie au consentement de la Commission européenne d'autoriser le règlement pour le gaz russe en rouble aux pays membres de l'UE. Pour rappel, Poutine a exigé que les pays dits « inamicaux » ouvrent des comptes auprès de Gazprom Bank où les paiements en euros ou en dollars seraient convertis en roubles de manière obligatoire. La mesure initialement rejetée par l'Union européenne semble avoir été validée, si l'on en croit les annonces de plusieurs agences dont Reuters et le site The Telegraph, selon qui l'UE admet que les paiements en roubles pour le gaz de Poutine pourraient ne pas enfreindre les sanctions. Une annonce accueillie avec ironie par l'ancien président Dmitri Medvedev. Je cite l'ancien président russe. La Commission européenne a admis le paiement du gaz en roubles et estime que le décret du président russe peut quand même être appliqué. Donc le décret qui oblige en fait la liste des pays inamicaux à vendre, à acheter le gaz en roubles. Peut quand même être appliquée par les entreprises européennes. Nous apprécions la cohérence et l'intégrité de nos partenaires européens, a-t-il déclaré. Alors, l'idée c'était, je résume un petit peu avant de donner la parole à nos intervenants, mais c'est quand même un tournant majeur. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne explique que ces sanctions n'ont pas vocation à s'appliquer aux entreprises européennes. Alors imaginez la position de l'Union européenne qui encore là, ces derniers jours, a annoncé l'envoi en Inde d'une délégation devant encourager l'Inde à rompre économiquement avec la Russie, en lui faisant miroiter un traité de libre-échange, tout en, en Europe, organisant le contournement des sanctions européennes, enfin décrétées par l'Union européenne, contre la Russie. Donc là, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Donc, c'est la situation aujourd'hui. C'est que le soi-disant isolement économique de la Russie a duré, grosso modo, quelques semaines, quoi. Et d'être gentiment, à la faveur de quelques dépêches de presse, être mis sous le tapis. Donc, concrètement, Poutine a dit, voilà, la liste des pays qui nous déclarent la guerre économique, il dresse sa liste. Ces pays ont besoin de gaz russe, visiblement, eh bien, ils vont devoir les payer en roubles et non plus en euros ou en dollars. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces euros et ces dollars sont immédiatement saisis, soit par les États-Unis, soit par l'Union européenne, sur les comptes bancaires où ils sont, versés. Donc l'idée était de... Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, hein, je veux dire, les avoirs russes qui étaient le fruit des surplus d'énergie vendue par la Russie en Europe ont été saisies, volées, hein, en gros, par l'Union européenne. Et évidemment, les Russes n'entendaient pas poursuivre ce schéma, parce que à quoi bon envoyer du gaz en Europe si, comment dirais-je, l'argent avec lequel il est payé peut être saisi par ceux qui sont censés le verser. Bon, la Russie, elle n'est quand même pas donné son gaz gratuitement. Donc, c'est là que Poutine a annoncé son mécanisme, et là, bah, échec et mat. Échec et mat, et c'est ce que nous annonce donc cette dépêche de la Nouvelle Tribune qui nous dit, bon, bah voilà, en fait, l'Union européenne capitule, quoi. Ils disent, bon, voilà, on va contourner nos propres sanctions. Alors, je crois qu'au niveau du ridicule, on bat un record. En termes de vision, de capacité anticipée, même de stratégie élémentaire, on bat des records de nullité. Qu'est-ce que vous auriez à me dire? Je sais que vous n'êtes pas des économistes, hein, je ne demande pas une analyse économique, si vous voulez, mais comme ça, la réaction à brûle-pourpoint, de voir qu'au bout de 4 semaines, des mesures qui sont censées, je cite Bruno Le Maire, mettre à genoux économiquement la Russie, sont abandonnés, sans fanfare, ni trompette. Qui voudrait réagir là-dessus? Et avec toujours une possibilité, bien sûr, d'élargir un peu la discussion. Hein, c'est pas... Je crois que l'Union européenne a beaucoup de prétentions, mais elle ne se rend pas spécialement compte des dynamiques qui régissent le monde. Parce que c'est bien d'avoir des prétentions, mais c'est-à-dire que l'Europe a dominé le monde pendant des siècles. Et malheureusement, je regrette, c'est plus le cas. Et la Russie est un géant. Et maintenant, les ressources naturelles russes font que on n'a pas les moyens d'avoir une prétention comme on a défend actuellement. Je mets ça en parallèle avec toutes ces accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, avec des menaces qui s'ensuivent, des menaces militaires. Attention, hein. On oublie peut-être que la Russie est une puissance nucléaire, par exemple. Donc à chaque fois, il y a beaucoup d'arrogance du point de vue de l'Union européenne. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, vous, moi, n'importe quel citoyen français ou de l'Union européenne se dit, mais enfin, à quel moment on nous a posé la question pour nous couper le gaz ou aller envoyer des missiles sur les Russes, quoi? À quel moment on nous a interrogé? Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez déjà beaucoup de Russes? Moi, je ne connais pas beaucoup, ils m'ont rien fait. Foutez-leur la paix, quoi. Donc, on a beaucoup d'arrogance et la réalité, quand même, nous rattrape. Par rapport à ce, comment dire, ce point particulier du fait de refuser de payer les Russes en roubles, si les Russes disent vous payez en roubles, l'Union européenne est bien obligée de le faire. Pourquoi? Parce que l'Allemagne et plusieurs autres pays sont dans des systèmes. Enfin, ont des économies qui sont dépendantes à majorité du gaz russe. Quoi, hein. L'énergie qui est consommée, ça ne vient pas du nucléaire, ça ne vient pas du renouvelable avec, je sais pas, le solaire, les éoliennes ou les barrages. Ça vient en grande partie du gaz. Et en grande partie du gaz russe. Donc tu as beau être dans un conflit où tu... Tu vas faire des sanctions contre l'autre camp qui puisse pas te... Enfin, tu peux pas faire de commerce comme tu veux. Le problème, c'est que si tu n'as pas d'énergie, ton système, il ne marche pas. Quoi, hein, et donc, ton pays ne marche pas. Donc, ils sont bien obligés de s'écraser, hein, sur ce point-là. Absolument, oui, bien sûr. Et le truc, c'est que ce qui est frappant, donc je voyais un échange récemment là entre la présidente du FMI, qui est une créature de Klaus Schwab. Je voyais une discussion en présence de Lagarde d'ailleurs, dans laquelle cette patronne du FMI disait, c'était filmé, hein, dans laquelle elle disait, mais en fait, les mesures que nous prenons, alors c'est-à-dire le FMI, la Banque Centrale Européenne, nous ne nous rendons pas compte, elle disait que nous ne réalisons pas les conséquences à moyen et long terme. Elle disait, voilà, on est comme des enfants qui regardons des enfants de 8 ans qui jouent avec une balle et on est focalisé sur la balle et sur rien d'autre. C'est tout récent comme déclaration. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un aveu d'incompétence intégrale. C'est-à-dire que, et là, c'était plutôt la discussion tournait plutôt autour de la planche à billets, parce que vous savez que les banques centrales ont massivement imprimé depuis 2014. Et vous savez qu'avec le confinement auto-infligé, l'économie occidentale a été mise complètement à l'arrêt, ce qui a gravement atteint les chaînes d'approvisionnement, ce qui a nécessité ensuite, enfin, très largement créé ex nihilo, mais enfin, ce qui a justifié ensuite l'impression massive de liquidités. Et en France, ça s'est traduit par 600 milliards, enfin, 600 ou 700 milliards. Bah, attention, il n'y a pas les. Là-dedans ne sont pas comptés les intérêts. Alors pour l'instant, les taux d'intérêt sont faibles, mais ils risquent d'augmenter très rapidement, vous voyez. Donc on a imprimé comme ça des centaines de milliards d'euros, on les a déversés sur l'économie, parce qu'on avait stoppé l'économie arbitrairement. Et là, pour le coup, Emmanuel Macron, parce que c'est lui dont il s'agit, ne peut pas dire « oui, mais vous comprenez, c'est cyclique, c'est conjoncturel ». Ben non, c'est lui qui a confiné les gens, hein, c'est personne d'autre. Et donc, c'est la directrice du FMI, la directrice de la BCE, trouvait qu'effectivement, ils étaient complètement incompétents. Et là, pour la France, on a, dans la dernière semaine de campagne présidentielle, on a Bruno Le Maire qui fait cette déclaration, dont on sait qu'elle a cours par ailleurs en Europe, mais il dit « nous allons organiser dans les semaines prochaines l'embargo sur le pétrole russe ». Pas le gaz russe, mais sur le pétrole russe. Comme si le pétrole, si vous voulez, on en trouvait partout, il suffisait de se baisser, ça posait aucun problème économique, etc. Et le fait qu'il ait déclaré dans la dernière semaine de l'élection présidentielle, m'a relativement convaincu que la présidence Macron était d'ores et déjà reconduite. Parce que quand on dit ça, quand on dit on va organiser un embargo sur le pétrole russe, ça veut dire qu'on va faire augmenter le coût de l'énergie. Puisque l'Europe est dépendante en partie aussi du pétrole russe. Alors pas dans la même mesure que le gaz russe, mais quand même en partie. Et ce que expliquait donc Bruno Le Maire, dont les prophéties quand même... laisse à désirer, puisque ça ne s'est pas converti, les premières ne se sont pas matérialisées, ils disaient on va faire s'effondrer l'économie russe, bon voilà, on attend toujours, le rouble va s'écrouler, bon bah il est revenu au niveau d'avant-guerre, ils sont même plus hauts qu'au niveau d'avant-guerre, je ne sais pas si vous imaginez quoi, c'est-à-dire que le rouble se porte mieux maintenant qu'au niveau d'avant-guerre, en dépit des sanctions, bon, et il nous dit maintenant, par-dessus ça, on va faire un embargo sur le pétrole russe, vous allez voir, cette fois-ci c'est la bonne. Bon, on a affaire à des gens... Alors, je ne sais pas, hein, je veux dire, quelle est la part de nuisance, quelle est la part d'incompétence, chacun se forgera son opinion. Mais enfin, là, avec l'aveu de l'Union européenne, de la Commission européenne, de von der Leyen, disant, bah voilà, s'adressant aux entreprises européennes, vous pouvez, en gros, contourner l'effet de nos sanctions et payer en roubles. Bon, moi, je veux dire, je sais même pas comment... Enfin, normalement, si c'était une entreprise privée, l'Union européenne, von der Leyen démissionne, si vous voulez. Et la totalité de son équipe avec elle. C'est-à-dire qu'il serait obligé de démissionner. C'est un fiasco diplomatique, stratégique, énergétique pareil, avec les implications financières que ça a. Enfin, c'est la démission totale et dans la honte. Pas du tout. On nous explique qu'on va en faire encore plus. On va en faire encore plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît complètement, complètement sidérant d'avoir une telle équipe de bras cassés qui n'a l'air de retenir aucune leçon des erreurs qu'ils font. Et encore, en plus, hein, ça ne prend pas 3 ou 4 ans pour commencer à mesurer les échecs. Hein. Je veux dire, là, en quelques semaines, on le voit déjà. Ben non. Est-ce que vous voudriez... Vincent, tu n'as pas entendu, mais je sais que tu n'es pas un économiste, hein, mais peut-être plus largement sur ce qui se passe, peut-être pas sur ce qui se passe face à la Russie, mais quand tu vois l'orientation générale qui est prise par l'Union européenne, là, où on en a parlé la semaine dernière, mais on nous dit, voilà, maintenant c'est la Finlande, la Suède, ça y est, on va les mettre dans le bloc de l'OTAN, on n'était pas au courant. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait livrer des canons de facture récente, attention, il ne va pas vider les hangars où il y a des armes vétustes, c'est des canons César qu'il va livrer à l'Ukraine. Des canons qui coûtent très cher et qui sont extrêmement efficaces. Hein. C'est des canons qui sont en opération en Afghanistan et qui nous coûtent un pognon de dingue, justement, comme dirait l'autre. Ben, moi, ce que je vois encore, c'est que, comme d'habitude, et je me réfère toujours à l'histoire parce qu'il y a que là que je suis compétent, je vois des gens qui prennent des décisions complètement folles, et surtout, c'est très amusant, enfin très amusant, très tragique, dans une démocratie, absolument, voilà, sans consulter personne. Et ça, ça me paraît complètement fou qu'on commence à dire on va faire des embargos qui peuvent menacer la stabilité énergétique et donc la stabilité des prix et tout cela. On va livrer les canons, on va faire ci, et puis à aucun moment je vois que l'on se dit mais bon, le peuple de France, vous pensez quoi? Mais là encore, ça ne m'étonne guère. Pardon, un fait qu'on a tendance à oublier, et encore une fois, là, je me réfère à l'histoire pour vous dire qu'elle se répète, c'est que je vous rappelle que la Seconde Guerre, enfin, la guerre qui a été déclarée à l'Allemagne le 3 septembre 1939, l'a été non seulement sans consulter le peuple, qui n'était absolument pas prêt, qui ne voulait pas cette guerre, mais surtout, elle a été déclarée en violation de la Constitution française. Il y a eu un véritable coup d'État, hein, c'est-à-dire que normalement, la guerre, d'après la Constitution de la Troisième République, ne pouvait être décidée par le président sans avoir consulté les chambres. Il fallait l'approbation des deux chambres, donc du Sénat et de la Chambre des députés, qui étaient justement les représentants du peuple français. Or là, il y a eu un tour de passe-passe scandaleux, c'est que on a demandé aux chambres de voter les crédits de guerre, que pratiquement tout le monde a accepté. C'était normal, la situation mondiale était très tendue, il y avait déjà un conflit local entre l'Allemagne et la Pologne, et on a fait passer ce vote des crédits pour un vote de la guerre, en violation complète de la Constitution. Donc, il faut pas. Moi, je m'étonne plus de rien quand je vois ça. Et je m'aperçois que ces gens qui, le 3 septembre 1939, ont fait un véritable coup d'État, c'est-à-dire qu'ils ont violé et assassiné la Constitution, reviennent en 1945 en jouant les grands justiciers par rapport aux gens qui, une fois la guerre perdue en 1940, sont restés là et ont dit « bon, ben, on va essayer de faire ce qu'on va pouvoir ». Je pense au maréchal Pétain et à toute son équipe. Donc voilà des gens qui déclarent la guerre en violation de la Constitution. Une guerre pour laquelle on n'était pas prêt, la France n'était pas prête, on le savait. Il y avait même quelqu'un qui avait dit, avec notre aviation qu'on a, en une semaine, on sera comme un boxeur aveugle sur un ring, on n'aura plus rien. Donc, voilà des gens qui déclarent la guerre, une guerre perdue d'avance en violation de la Constitution, qui, une fois la guerre perdue, se barre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je m'excuse du fait que je parle un peu un langage parlé, mais enfin, ils se barrent. Et en 1945, ils reviennent, et face aux gens qui ont organisé ce qu'ils ont pu, ils commencent à dire « mais bande de salauds, vous avez collaboré, c'est scandaleux, vous êtes des traîtres », et ça passe. Et on fusille des gens, on envoie le maréchal Pétain à l'Île-Dieu, et ça passe. Extraordinaire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui nous racontent tout et n'importe quoi, qui nous disent « oui, on va faire ça, on va faire des sanctions, la Russie va être à genoux », puis qu'après, ça marche pas du tout, on est dépendant du gaz, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben c'est fini, je veux dire, l'équation est très simple. Moi, ça m'étonne pas. On est toujours dans les mêmes dynamiques que je vois, moi, dans l'histoire que j'étudie. Donc je me dis « oui, où on va ?» Mais on peut aller à la guerre, en effet, on peut aller à la guerre avec des bras cassés pareil. Je suis scandalisé, mais voilà. Macron va être réélu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est toujours les mêmes constats que je fais, ça s'y rengaine au bout d'un moment, hein. Je radote, mais c'est ça. Je voulais savoir, puisque toi tu connais très bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la déclaration de guerre, les événements en eux-mêmes, est-ce que tu es familier de la fameuse affaire de ce paquebot qui a quitté Bordeaux avec une série de représentants politiques français de la Troisième République, et parmi lesquels on trouvait Mendès France. Est-ce que tu connais cette histoire? Est-ce que si oui, tu la connais, c'est l'affaire du Massilia. Est-ce que tu pourrais en parler? Parce que c'est quand même intéressant, et tu vas voir qu'il y a un fil conducteur durant l'émission, et je voudrais quand même... parce que je pense que cette famille-là, la famille Mendès, mérite d'être un petit peu plus mise en lumière. Alors, bah, l'affaire du Massilia, en fait, elle est relativement simple, mais qu'après, il faudrait... Moi, j'ai pas totalement étudié cette affaire, parce que dans ce que dans mes sujets, c'est ça n'a pas grande conséquence, mais l'affaire du Massilia, ce sont des gens qui ne voulaient pas arrêter la guerre, qui voulaient qu'elle continue. Alors il y avait plusieurs options. Il y avait le réduit breton, qui rapidement on a dit c'est stupide, le réduit breton il va être pris en quelques jours, ça sert à rien du tout. Et alors il y a eu l'autre possibilité, c'est de continuer la guerre en Afrique du Nord. Et voilà pourquoi des membres du gouvernement et des élus se sont embarqués au bord du Massilia afin de dire ben voilà, le gouvernement va se replier en Afrique du Nord pour continuer la guerre. Alors, ce qui a rendu, je crois, ce qui a fait capoter l'affaire, c'est que tout simplement, on leur a dit, mais vous allez continuer la guerre avec quoi? En Afrique du Nord, il n'y a pratiquement pas de matériel de guerre. Et tout ce que vous allez gagner, c'est que quand les bateaux français vont tenter de traverser la Méditerranée, ben, les avions allemands vont les pilonner et ils vont être coulés. Et puis surtout après, si vous continuez la guerre en Afrique du Nord, vous risquez que l'Allemagne prenne pied en Afrique du Nord. Et ça, il y avait déjà des gens qui disaient, il vaut mieux éviter. Donc l'affaire a capoté, elle a capoté notamment grâce à Pierre Laval, qui a dit, mais non, on ne peut pas partir, il faut rester maintenant, on ne peut pas laisser la France toute seule. Voici, je dirais, très très résumé, l'affaire du Massilia. Ça s'est terminé dans un fiasco et fort heureusement à mon avis. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait ils ont été donc figurés donc le fameux Mendès France hein, qui sera ensuite qui est d'origine juive, futur politicien. Il n'y avait pas que lui d'ailleurs, hein, il y en avait toute une série. Ah il y en avait plein, oui, il y avait pas mal. Ils sont partis, se sont embarqués sans vraiment. Alors il y avait aussi, il y a eu Paul Reynaud. Alors ça a été compliqué parce qu'il y a eu un accident. Alors, il avait une valise, d'ailleurs, avec des documents secrets. Bon, mais ça, il faudrait mieux étudier l'affaire que moi, je l'ai étudié. Mais il y a eu beaucoup de choses troubles à ce moment-là. Mais c'était plutôt dû à la panique. Hein. En fait, ces gens ne voulaient pas que la guerre s'arrête parce que... Ou alors, ils voulaient que l'armée capitule sans condition. Et ça, Weygand a dit absolument pas. L'armée a fait son devoir avec le matériel qu'elle avait. On ne va pas capituler sans condition, c'est à vous de négocier. Et ça, il ne voulait pas le faire parce qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité. Je pense que si, à cette époque-là, ces politiciens, les Daladier, tout ça, s'étaient trouvés sur les routes de France et avaient été reconnus, je pense qu'ils n'auraient pas eu le droit à un procès. Hein, et je crois qu'ils auraient été lapidés. Hein, ça, il y avait vraiment une haine hein, contre ces gens-là. Tous ces gens qui étaient sur les routes là, qui fuyaient, voilà. Bah, c'est particulièrement fascinant parce que donc Mendès est avec sa bande à Bordeaux, essaye de sauter sur le premier bateau à disposition. Je sais qu'il y a eu, il y a eu des troubles d'ailleurs avec les dockers communistes, la bande essayer de se tirer, à essayer de les retenir, et finalement ils ont été arrêtés, je crois, si je ne m'abuse, à leur arrivée au Maroc. Hein, c'est ça. Et on les a renvoyés ensuite en France. Enfin, les autorités de Vichy, nouvellement constituées sous la direction du maréchal Pétain, les ont rapatriés en France pour en disposer. Mais c'était des gens qui voulaient en fait poursuivre la guerre. Mais on se comprend bien en prenant un navire, en se réfugiant très loin et en continuant d'appeler à la guerre à outrance, etc. Mais toujours par goyim interposé en quelque sorte. Mais je voulais dire, je m'arrêtais là-dessus parce que simplement, c'est une famille qui sévit depuis longtemps en France et dont on connaît trop peu le caractère malfaisant. Je voulais quand même qu'on le souligne et il y aura d'autres choses à dire là-dessus d'ailleurs. Ah bah oui, d'ailleurs c'était ce que disait Paul Allard. Il disait Julien Benda fait la guerre avec la peau des autres. Il avait parfaitement raison quand il résumait. C'était très bien résumé, oui. Robatet en parle formidablement d'ailleurs hein, dans son livre Les Décombres, hein, si je ne m'abuse aussi. Alors, de toute façon, le livre Les Décombres de Robatet, Robatet qui était mobilisé hein, dans l'armée française, qui a vu cet effondrement incroyable de 6 semaines. Et il parle pas que de ça, Robatet dans Les Décombres, mais il relate tout à fait cette atmosphère de cataclysme inévitable. Auquel tout le monde assiste, mais de manière un peu passive. C'est un peu ce qu'a dit d'ailleurs Céline à sa façon aussi. Céline d'ailleurs qui a été beaucoup plus, enfin, Robatet a été très militant contre la guerre, mais Céline qui a été beaucoup plus exubérant contre la guerre, mais cette espèce d'impression de lapin pris dans les feux d'une voiture, on sait que la catastrophe va arriver, tout le monde sait que ça va arriver, et personne ne fait rien contre l'avènement de la catastrophe. Bon, je me sens... Ben, en fait, ça a été... Il y a un homme pour lequel j'ai un immense respect, c'est Jean Montigny. Il était l'élu de la Sarthe. Et lui, il a constitué un front pour la paix. Et j'ai encore un de ses livres avec le bulletin d'adhésion. On pouvait adhérer au front pour la paix. Mais c'était un homme de droite. Et en fait, il a très bien, c'est Georges Champeau qui a très bien résumé la situation. Il a dit, en fait, les bellicistes étaient tous ensemble, au-delà de leurs divergences, alors que les pacifistes, il y en avait de gauche, du centre, de la droite, et ils ne se sont pas entendus. Alors que, numériquement parlant, ils étaient plus forts, mais ils n'ont pas été fichus de s'entendre, et donc ils n'ont pas su arrêter la guerre. Et ça a été vraiment une occasion perdue. S'ils avaient pu se mettre ensemble, il y aurait eu des, c'est vrai qu'il y aurait eu des gens très très différents qui venaient de milieux très très différents, comme après des gens dans la collaboration d'ailleurs. Il y avait des socialistes, il y avait des gens d'extrême droite, il y avait des gens, il y avait des républicains, il y avait de tout. Et ce front de la paix, c'est Jean Montigny, il a écrit France, libère-toi, et il n'a pas arrêté de prévenir en disant mais on va à la catastrophe. Et ses livres étaient très bien documentés. Mais voilà, il a crié trop dans le désert, c'est assez dommage. Oui, je dis ça parce que on est... Bon, on peut pas faire de comparaison, je veux dire, millimétrique, mais quand moi je vois Bruno Le Maire, qui est une espèce d'ectoplasme, opportuniste en plus, parce que c'est quelqu'un qui vient, soi-disant, des Républicains, de l'UMP, du Parti gaulliste, rallié à Macron, alors je vais pas dire c'est comment ça, rallié à Macron, c'est incroyable, non, c'est parfaitement logique, effectivement, c'est logique pour un gaulliste de rallier Macron, c'est dans l'ordre des choses. Mais de voir ces gens-là qui, en fait, n'ont aucune loyauté, même pas vis-à-vis de leur propre camarilla, emmener un pays entier dans des mouvements de tectonique des plaques géopolitiques qu'on n'a probablement pas vu en Europe, effectivement, depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est certain que quand la France envoie des canons, et puis tout ce qui n'est pas déclaré, publiquement, en Ukraine, pour combattre activement la Russie, qui est une puissance nucléaire, c'est quelque chose qui a des implications considérables au plan politique et diplomatique. Parce que, autant Emmanuel Macron a essayé de téléphoner à Vladimir Poutine pour c'était essentiellement électoral, hein, faut pas rêver, hein, ça permettait à Macron d'occuper le terrain, de se placer au-dessus des partis, etc. C'était simplement de l'agitation électorale. Ça a marché, je pense, en tout cas dans une partie de l'électorat. Mais Macron savait très bien que ça ne menait à rien, parce que Vladimir Poutine poursuit une politique étrangère qui a des objectifs fixes, qui ne peuvent pas être négociés à la faveur de téléphones où on geint sur le sort des civils. C'est des grandes décisions d'État souverain qui ne peuvent pas changer en cours de route, parce que, vous comprenez, vous avez eu un chef de l'État français qui est venu pleurer à vos oreilles en disant « s'il vous plaît, les enfants enfin, ». Bon, personne ne croit à ça. Surtout quand vous êtes vous-même, et c'est le cas de Macron, un incendiaire. Parce que quand Macron déverse des armes, du liquide et tout ce qui s'ensuit sur le champ de bataille, excusez-moi, c'est pas un agent de la paix. Il participe de l'escalade. Donc je pense que... Et puis on voit les mêmes. C'est ça que je veux dire. Il y a des dynasties qui sont forgées sur le sang des goïms. Et alors, évidemment, la famille Mendès n'a pas un poids énorme dans l'histoire de France, fort heureusement d'ailleurs pour l'histoire de France. Mais enfin, c'est une petite touche, c'est une petite touche sur le tableau général. Et moi, j'aime bien qu'on montre qu'il y a des redondances. Donc, en 39 et en 40, les mêmes incendiaires qui appelait à la plus formidable déflagration que le monde ait jamais connue, eh ben, ce sont les mêmes qui ont sauté dans le premier bateau pour foutre le camp en direction de l'Afrique du Nord, où on allait continuer à combattre, bien évidemment, et là, voilà, mais évidemment, Mendès n'a jamais foutu son cul sur un champ de bataille entre 39 et 45, mais on allait appeler, attiser, bien évidemment, les haines, etc. D'ailleurs, ils ne s'en sont pas privés, ni tous ces gens. Et on voit, 80 ans plus tard, Alors oui, c'est plus l'Allemagne. Là, c'est la Russie. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais on voit les mêmes appelés à l'incendie, appelés au meurtre, appelés à l'escalade. Tout est permis et tous ceux qui refusent de les suivre sont des traîtres. Parce que c'est ça, hein. Attention. Moi, je le dis tout de suite aussi, et c'est peut-être à préciser quand même dans le cas de l'élection présidentielle deuxième tour. Mais sachez bien que si Macron est reconduit, Macron n'est peut-être pas le plus excité de son club. Vous avez toute une série de gens autour de Macron qui sont des incendiaires au sens strict, qui veulent impérativement une déflagration généralisée avec la Russie. D'accord ? Des gens très proches de Macron. Et parce que bon, vous savez, là, c'est un club de requins là-dedans. Hein, je veux dire, ils sont avec Macron, c'est pas parce qu'ils aiment Macron, c'est parce qu'avec lui, ils peuvent obtenir des choses. Et bon, vous avez qu'à regarder les gens autour de lui, qui chantent ses louanges. Attention, ces gens-là ont des projets, des projets sanglants. En tout cas, s'ils arrivent à aller jusqu'au bout de leurs intentions. Voilà. Et moi, je suis frappé de voir que, bon, à trois générations d'écart, on retrouve les mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, on retrouve en tous les cas les mêmes dynamiques, ça, c'est évident. Hein. Il y a toujours des gens, un clan belliciste qui est là en permanence et qui souffle sur les braises, alors que il suffirait d'un peu de sang-froid pour régler les affaires. Je vous rappelle que, par exemple, en 1909, après l'affaire de Fashoda, etc., il y a eu des crises où on a été à deux doigts de la guerre avec l'Allemagne, mais il y avait des gouvernants qui ont su garder leur sang-froid. Je pense à Caillaux notamment. Bon, il est le père de l'impôt sur le revenu. Alors moi, dans ma famille, on n'aimait pas Caillaux, mais n'empêche que Caillaux, il a évité la guerre. Et c'est un sophisme de parler de guerre inévitable. Il n'y a aucune guerre inévitable. On peut toujours discuter. La seule chose où on ne peut pas discuter, c'est avec l'envahisseur qui arriverait comme les Huns. Mais enfin, bon, c'est pas ça. C'était pas ça avec l'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est pas ça avec la Russie, quoi qu'on pense de la Russie. Bon. Donc, il y a toujours un clan belliciste qui va nous faire croire que la guerre est inévitable. Et c'est là qu'il faut toujours se lever et dire non, la guerre n'est pas inévitable. D'abord, l'histoire le démontre. Que toutes vos guerres que vous avez dites inévitables auraient été inévitables, et cette guerre-là, il n'y a pas grande différence. Mais c'est ça, comme tu le dis très bien, il y a une espèce de manœuvre d'intimidation où si vous n'êtes pas pour la guerre, vous êtes un traître, un vendu, et ça, il faut absolument lutter contre ça. Il faut dire, mais non, pas du tout, nous sommes contre la... contre ce que vous soufflez, contre le fait que vous souffliez sur les braises, parce que nous estimons que ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas nos affaires, et qu'on doit laisser ces pays s'expliquer entre eux, ou alors il faut pouvoir rétablir la paix, mais on ne va pas entraîner le monde dans une guerre, surtout, comme tu dis très bien, avec une puissance nucléaire. Je veux dire, c'est une folie, je veux dire, on ne fait pas ça. Hein. N'importe quel enfant de 12 ans le verrait, mais ça, voilà. Et Raphaël Guzman a une formule, hein, c'est-à-dire que si vous suivez Raphaël Guzman, je vous invite à le suivre, essentiellement sur Twitter, c'est la plateforme d'expression de son choix favorite, et dans lequel il dit les faux patriotes, vendus à l'étranger, les pseudo-patriotes vendus à l'étranger, il y a toute une série de formules où en fait il remet en cause, si vous voulez, enfin c'est fascinant, c'est-à-dire que c'est un juif agent de la CIA, qui est complètement cornaqué par les Ashkénazes, on le sait, et les descendants du Bund, qui ont quitté la Russie des Tsars, parce qu'on peut pas comprendre la haine qui anime aujourd'hui les États-Unis contre la Russie si on ne comprend pas que l'appareil d'État américain est tombé entre les mains des Ashkénazes du Bund, qui est cette organisation socialiste révolutionnaire venue de l'Empire des Tsars. Et qui voulait renverser à toute force. C'est-à-dire que tous ces juifs de l'Empire des Tsars voulaient renverser les Tsars. Parce que pour eux, c'était. Ils se disaient victimes de l'antisémitisme, ça, vous connaissez tout ça. Et quand ils ont mis un pied en Amérique, ils ont été les premiers agitateurs marxistes. Et quand ils ont vu la révolution advenir aux États-Unis, ils ont été ses premiers soutiens. À tel point d'ailleurs, et je l'ai déjà dit dans l'émission, mais je ne me lasserai jamais de le répéter, que la publication du Parti communiste américain. Le Parti communiste américain, pas le Parti communiste de l'Union soviétique aux États-Unis. Hein. Le Parti communiste américain, créé dans la foulée de la révolution bolchevique, qui était l'organe de presse du Comintern aux États-Unis, pendant des années, n'a connu qu'une seule version en termes de langue employée, le yiddish. Il n'y avait pas de version anglaise. Ce n'est que plus tardivement que le Parti communiste américain a adopté une version anglaise pour son journal. Parce que c'était aux États-Unis, c'était un groupuscule ashkenaz. Donc les premières grèves organisées par les bolcheviques américains, c'était des juifs, et surtout des juives, dans la banlieue new-yorkaise, dans les usines. Donc, si vous voulez, c'est une vieille haine vis-à-vis de la Russie qui existe. Tous les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ces migrants juifs du Bund, donc des socialistes ou des marxistes révolutionnaires, sont aujourd'hui dans l'appareil d'État américain. Ils ont d'ailleurs divorcé assez vite avec l'Union soviétique quand ça a commencé à tourner au vinaigre sous Staline pour les juifs, essentiellement les années 40. Là, ils ont rallié le mouvement trotskiste, la 4e internationale. Bon. Vous allez me dire que je m'écarte un peu, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons cette espèce d'obsession anti-russe qui ne recoupe pas un clivage rédhibitoire, je veux dire. La guerre froide, le communisme, c'est pour ça que les gens devraient s'étonner. Aux États-Unis, vous aviez des trotskistes, c'est-à-dire des marxistes les plus durs, qui étaient contre l'Union soviétique de Staline. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si vous comprenez l'origine ethnique des acteurs aux États-Unis de l'antisoviétisme. Alors, il y avait des anticommunistes américains de pure souche, je veux dire, entre guillemets, c'est-à-dire des anglo-américains ou d'origine allemande, mais il y avait des éléments d'extrême-gauche antisoviétiques. Et parce qu'ils étaient antisoviétiques, ils ont été acceptés au sein de la CIA. On en a fait des spécialistes de ci, de ça, de ce. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que c'était des idéologues marxistes. Ils étaient anti-staliniens, mais ils n'étaient pas anti-marxistes. C'est comme ça que la subversion au sein de la CIA a commencé. Et on se retrouve aujourd'hui, alors ça a été caricatural avec Trump, puisqu'on lui a fait un procès, on a même accusé Trump d'être un agent de Vladimir Poutine, vous imaginez, on a vu des trucs complètement délirants, mais ça a été jusque-là. Et évidemment, quand on raisonne politiquement, même quand on n'aime pas Trump, on se dit, attendez, là, quand même, c'est un peu gros, il faut avoir des éléments. Non, cette haine obsessionnelle pour la Russie vient de là. Et quand, en fait, le système communiste s'est complètement effondré, quand Poutine a pris l'ascendant, et quand il a dégagé un certain nombre d'oligarques d'origine juive, pas tous, mais quelques-uns, qui étaient en lien avec l'oligarchie financière juive new-yorkaise, là, ça a été la goutte d'eau. Ça a été la goutte d'eau. Alors, oui, on a vu Poutine en Israël, oui, on a vu Poutine au mur des lamentations, oui, Poutine a voté des lois contre le révisionnisme, oui, mais ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais parce que le problème n'est pas Poutine, le problème, c'est la Russie. C'est la Russie qui échappe, malgré tout, à la mainmise de ces Juifs venant du Bund, dont j'ai parlé, et qui, depuis un siècle, en fait, font la pluie, enfin, progressivement, mais en sont venus à faire la pluie et le beau temps aux États-Unis, sur les campus américains, etc. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit. Et on a leurs cousins chez nous. C'est les Frédéric Ancel, là, les géopolitologues, là, soi-disant. Et c'est effectivement les Mendès, c'est les Reichstadt. Etc. C'est tous ces Juifs-là qui sont en lien avec eux et qui mènent la même guerre. Vous voyez ? Vous comprenez ? Et ça, il faut le faire comprendre à nos auditeurs. Il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils comprennent la longue durée. C'est pareil, Marine Le Pen, quoi, je veux dire. Marine Le Pen a dit... il n'y a pas de problème, quoi. Elle donne tous les gages, hein. Il faut lutter contre l'extrême... Enfin, elle dit pas « je vais lutter contre l'extrême droite bon. », mais elle dit « oui, la Shoah est une catastrophe, c'est la plus terrible catastrophe de l'histoire, bon, alors, voilà. Mais ça ne suffit pas, c'est racial. Parce que les forces que son nom porte sont des forces indigènes qui indisposent l'intelligentsia ashkénaze. Et ça sera toujours comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Messieurs, donc tout ça, c'est important parce que quand même, quand on voit l'Union européenne mettre autant d'énergie dans son opposition à la Russie, on pourrait être un peu un peu bouche bée en se disant, mais au fond, pourquoi on en veut tellement aux Russes? Y a-t-il un enjeu qui nous concerne à ce point, qui est autant de passion? Bah non, si on est un Français de souche qui vit en Auvergne ou en Normandie, non, évidemment, on n'a pas trop de passion anti-russe. Mais plus on monte dans l'appareil politico-médiatique, plus les arbres généalogiques changent, plus les histoires familiales changent, plus les rapports à la Russie changent, vous voyez ? Je sais pas si vous me suivez. Et quand on arrive à Paris, quand on arrive dans le salon de Raphaël Glucksmann, qui le dit de lui-même, hein, je suis plus à l'aise chez moi à New York qu'en Normandie, oui, c'est la vieille histoire de la haine juive pour le monde russe, hein, et le monde slave en général. Voilà. Et d'ailleurs, il déteste beaucoup plus, mais c'est marrant, même après l'Holocauste, enfin, la version officielle de l'Holocauste, même après l'Holocauste, les Juifs ashkénazes haïssent plus sincèrement les Russes et les Slaves que les Allemands. Vous voyez ? Ça, vous pourrez le constater si vous suivrez leurs échanges, ça, vous le constaterez vous-même. Voilà. Alors, messieurs, donc nous avons assisté au résultat du premier tour de l'élection. Et au-delà du second tour, il y a des élections législatives qui s'annoncent et on assiste à une recomposition politique progressive, déjà amorcée en 2017, mais progressive au plan territorial. C'est-à-dire qu'on voit se former des zones de peuplement qui sont encadrées par différents partis qui d'ailleurs n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et alors, il y a quelque chose de particulièrement intéressant qui est, a été annoncé cette semaine par la France Insoumise, donc le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait grosso modo 22% au premier tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il était à 1% de se qualifier au second tour, en réalité, hein, c'est joué à peu de choses, en fait, a fait une annonce peut-être pas très remarquée, mais qui me semble traduire quelque chose d'important. C'est, c'est son annonce, son choix de, désigner Taha Bouhaf, je ne sais pas comment on prononce, algérien d'origine, donc qu'on a retrouvé très souvent, qui a réussi à obtenir même une carte de presse, je crois, je ne suis pas sûr, mais sous toute réserve, qui est un Algérien très agressif, pro-FLN, évidemment, très très très très anti-français, mais qui était une espèce d'agitateur de rue, et qui a été choisi, désigné par la France Insoumise pour être candidat aux élections législatives sur, la circonscription de Vénissieux, donc dans la région lyonnaise. Hein. Alors Vénissieux, les scores de Mélenchon, pour vous donner une idée, c'est 49% au premier tour. 49% au premier tour. Vénissieux, c'est l'Algérie. Hein. C'est l'Algérie. Alors, je vous explique ça, je vous donne les détails quand même. Voilà, donc c'est 48,79% premier tour à Vénissieux. Macron, deuxième, à 17,07%. 97%, presque 18%. Abstention, 31%. Nombre d'inscrits sur les listes électorales, 30 000. Alors, vous comprenez bien que quand on désigne Taha Bouhaf, candidat France Insoumise. On le fait lire. C'est lui qui avait défilé avec une tête de Marine Le Pen sur une pique, non ? C'est exactement c'est ça. C'est exactement lui, ouais, exactement. C'est un programme intéressant. Enfin. Oui, alors il est jeune, hein. Il faut savoir qu'il a environ autour de la trentaine, un peu moins probablement, mais voilà. Alors, donc c'est typiquement le profil de la racaille algérienne, haineuse, anti-France, à bloc, vraiment pro-islam et tout. Mais pourquoi c'est pas intellectuel, attention en plus. Hein. Ils sont même pas embêtés à sortir un intellectuel algérien. Non, là on est sur un mec, il sort le couteau, il sait pas pourquoi, il plante comme ça par réflexe. Hein. Attention. Alors voilà. Alors moi je voulais donner la parole, à celui qui voudra l'apprendre, mais à ça parce que bon, c'est très clair que parce que je crois qu'ils sont en train d'organiser une espèce d'union électorale, donc. Me semble-t-il que Mélenchon réussit son pari de faire main basse sur la gauche en France, quoi, en gros, donc d'être le faiseur de roi. Il est en négociation avec les Verts et les communistes pour forger des listes d'union, Ils vont se répartir ensuite différentes circonscriptions. Mais enfin, c'est sûr qu'il y aura un bloc de députés France Insoumise, c'est certain. Et ça va donner un bouillon de culture assez, assez étrange, puisqu'on aura des écologistes, on aura des communistes. Bon, il y avait toujours eu des communistes dans la roue de Mélenchon. Mais je veux dire, Jadot a plutôt adopté une posture macrono-compatible. Il a été jusqu'à se rendre au MEDEF où il a expliqué que son écologie était compatible avec le capitalisme. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs écologistes qui ont dû être surpris d'entendre ce type de déclaration. Bon, son aventure, son échappée n'a pas fonctionné. Jadot a été puni, hein. Il a fait moins de 5%, il n'a pas remboursé ses frais de campagne. Et donc, en fait, l'aile gauche l'emporte en réalité. Oui, l'aile de Frau Rousseau. Hein, Frau Rousseau, voilà, oui, c'est ça. Frau Rousseau, n'est-ce pas? Ouais, voilà, vas-y. Parle-nous un peu de tout ça, donc de cette recomposition et de ta abouaf. Hein, voici aussi. Hein. Ben, la recomposition va. En tout cas, la gauche se radicalise, clairement. Ambiance, comment dire, début de la France algérienne. Qui ressemble beaucoup à la fin de l'Algérie française. Hein. Le parti de Mélenchon et l'Alliance populaire, je crois. Hein. Donc là, il essaie d'ouvrir un petit peu, de faire des alliances justement avec tous ces partis-là qui sont alors bon pour les enfants transsexuels, la PMA, les lesbiennes et compagnie. Et aussi l'islamisme, hein, et aussi parce que les Arabes c'est gentil, parce que les Arabes c'est cool. Donc ça c'est typiquement Sandrine Rousseau. Et là ouais, là t'as Abouaf, c'est vraiment le FLN qui en ligne directe, carrément. Oui, en ligne directe, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme Meir Habib qui est le député de la Knesset. Alors là, oui. Là, j'ai vu qu'il y a, la nana de Zemmour qui lorne d'ailleurs sur le poste de Meir Habib. Oui, qui est député des Français de l'étranger, je crois, dans la zone Israël, quoi. Hein. Oui, dans la zone Israël, Turquie, Italie, mais on voit en fait Israël, je sais pas si vraiment. Grèce aussi. Zemmour a fait au premier tour, il avait fait 50%. Il était arrivé majoritaire, donc on va voir là, des petits députés comme ça. Il nous faudrait des Turcs aussi. Il nous faudrait que Erdogan nous enfile un ou deux. Ça pourrait être marrant. Enfin, tu me diras, oui, on va en avoir, hein, nécessairement. Peut-être avec la France insoumise, il y a le FLN représenté. Par notre cher Bouaf, hein, qui s'amuse, qui oui. aime mettre des têtes au bout des pics. Oui, et puis il n'y a pas que ça, parce que c'est un type qui traite les mecs de Charlie Hebdo de. C'est fils de pute, hein. Oui, il est fils de pute, sale clochard, enfin, c'est. Voilà. En Algérien. Ouais, mais d'accord, moi je suis à l'aise avec ça, mais c'est juste pour que nos auditeurs comprennent, si vous voulez, que son rapport à la laïcité n'est pas celui de la gauche historique en France, hein. Il faut que ce soit clair. Ah, puis même, c'est pas. Enfin, tu as des islamistes style Tariq Ramadan, tu vois, qui présentent bien, qui a un projet derrière pour te la mettre. Mais là, t'as Abouaf, c'est la racaille. Hein. Ouais, c'est la racaille. Ouais. Le mec, il sera en casquette sur vêtements tout le temps, hein, position. Oui. Il faudra l'appeler monsieur le député. Ouais, mais voilà. Et puis t'auras le préfet qui sera obligé de voilà. Alors en fait, il traite exactement les gens de Charlie Hebdo de pouilleux. Ah oui. Les pouilleux. Bah là, il y a pas contre Charlie Hebdo, hein. Comment dire. Il disait aussi, il a reproché à des gens, notamment à Benoît Hamon, qu'on appelait Bilal Hamon, effectivement, hein. Et il lui avait fait un reproche une fois en disant ouais, tu vois, tu fais des courbettes simplement pour pouvoir les manger des petits fours au dîner du CRIF. Ce qui avait généré une réaction de la LICRA qui avait dit ceci: le message de Taha Bouaf qui imputait à Benoît Hamon de dénoncer l'antisémitisme uniquement parce qu'il ne voulait pas rater les petits fours du dîner du CRIF est simplement odieux, avec ou sans jeu de mots, voilà, sur le petit four. Voilà, donc ça c'était la réaction de la LICRA. Eh ben, messieurs, la LICRA, il faut respecter un député français. Et il faut le respecter. Voilà, c'est tout. Donc respectez monsieur le député. Vous imaginez ce que ça va donner quand on aura Meir Habib et Taha Bouaf dans le même hémicycle? Moi j'ai hâte. Il faudra organiser un débat, puis fermer la porte. distribuer des couteaux. Des couteaux, ouais. Oui, parce que le meilleur Habib n'est pas un homme pacifique, hein, c'est quelqu'un qui a pratiqué le terrorisme dans sa jeunesse. Yvan Benedetti en a souffert, d'ailleurs. Je me souviens d'une interview de Meilleur Habib que j'ai réécoutée récemment, je sais plus pourquoi. Vous savez, des fois, on fait des trucs sur Internet, on se fait un peu chier. Hein. Et on lui pose la question, alors c'est quoi les valeurs du judaïsme et tout? Et tout de suite, sa première réponse, c'est « Alors, c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est aussi la vengeance, d'accord ?» c'est réglé. Hein. C'est peut-être difficile à entendre. Oui, pour Christian, évidemment, c'est sûr que ça peut être un peu difficile à entendre. Voilà. Au-delà de l'anecdote sur ta bouaf et du personnage, je veux dire, bon, mais qui a quand même un profil de racaille, je veux dire, mais c'était fatal. Quelque part, en y repensant rétrospectivement, c'était, je veux dire, quelqu'un aurait pu imaginer très bien, très facilement, et n'importe quand, mais je veux dire, dans les années 2000, à partir des années 2000, quoi, fin des années 90, début des années 2000, il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait. Imaginez que les racailles de banlieue deviennent députés à l'Assemblée. C'était évident, je veux dire, c'était écrit d'avance. Et donc, c'est ce qui se produit avec la France insoumise de Mélenchon, qui, est effectivement, et c'est ce qu'il avait dit, voilà, contrairement, on en avait parlé dans l'émission d'ailleurs, on l'avait cité textuellement, hein, contrairement à ce que pensent les intellectuels ashkénazes du NPA, le nouveau parti anticapitaliste de Krivine, qui est décédé récemment, et on ne fait pas un parti de masse des banlieues musulmanes avec un carré d'Ashkenaz qui théorise sur du papier, quoi. Bon. Et bah, Mélenchon a été au bout de sa logique avec succès, c'est-à-dire qu'il a effectivement créé un parti de masse capable de coaguler autour de lui donc 22% de l'électorat avec une forte composante musulmane. Et il va désigner des cadres arabes, musulmans, africains et autres. Et c'est clair que l'islam va être un facteur majeur de l'organisation de ce mouvement, à la fois politique et électoral. Et ce qui nous donne le résultat qu'on voit. Et donc, il faut comprendre cette rupture fondamentale. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand... Bon, c'est la traduction au plan institutionnel de ce qui se produit déjà au plan ethnique et démographique. Bon, évidemment, il y a encore des gens qui alimentent un débat enfin, au sein des médias français. Le grand remplacement existe-t-il? Bon, il y a eu des études d'opinion qui ont été faites. Je crois que c'est les deux tiers des Français qui considèrent que le grand remplacement est une réalité. Bon, évidemment que c'est une réalité. Évidemment. C'est un non-débat. Bon, mais les intellectuels de gauche, les journalistes, ils aiment bien, pour pas donner des billes au Front National, vous connaissez toute la rhétorique, font semblant de ne pas voir qui fait, comment dirais-je, que le soleil est au milieu du ciel à midi. Mais plus concrètement, plus pratiquement, c'est que jusqu'à présent, oui, les villes étaient remplacées, mais il y avait une espèce de superstructure politique qui était légitimiste, républicaine. C'est-à-dire qu'on avait des députés qui étaient députés fantoches, mais qui étaient députés du système. Et là, la rupture, à Vénissieux et dans d'autres zones, moi j'attends de voir la Seine-Saint-Denis avec impatience, on aura des députés, pour le coup, pardonnez-moi l'expression, mais qui viendront de la base. Avec ce que ça suppose au plan démographique, racial, ethnique hein, et religieux. Donc on aura des gens comme Tahabouaf et d'autres. Bon, on avait déjà eu quelques alertes, hein, on avait eu Obono, voilà. Obono, c'était agressif, mais c'était encore, ça savait se tenir au niveau du... Au plan hormonal, ça allait encore. Il y avait encore une maîtrise des sentiments, des émotions. Oui, là, non. Oui, On va commencer à entrer tout doucement dans la sauvagerie. Hein. Ça va être les débats. Wesh, qui se dit sur le prophète, toi? Ouais, nique ta mère. Ouais, c'est ça. On va avoir des députés qui diront nique ta mère. C'est comme ça que ça va se passer, en fait. Mais vraiment. Et pour une fois, j'ai peut-être regardé les débats à l'Assemblée. Ouais. Les débats sur. Ouais, du coup, ça vaudrait peut-être le coup de les écouter, quoi. Ça va parler arabe. Il y aura des tracteurs, on ne sait pas. Moi, j'ai hâte de voir un débat où tu auras, si tu veux, d'un côté de l'hémicycle, Meir Habib qui insultera Tahabouaf en hébreu Et où tu auras ta boive qui l'insultera, si tu veux, dans une espèce de sabir du bled algérien. Ouais, qui va lui dire quel biaoudi, tu vois. Mais voilà, donc on va arriver dans cette situation où, si vous voulez, vous arriverez à Vénissieux, enfin dans différentes circonscriptions, enfin communes, part du territoire français, où ça sera non seulement repeuplé, mais où le député, enfin les autorités politiques, seront des gens très radicaux, fonctionnant en réseau, avec et derrière les frères musulmans. Enfin, vous êtes plus chez vous, ok, c'est terminé. Alors les gens vont dire oui, mais bon, déjà dans ces endroits, moi je me sens déjà plus du tout chez moi. Oui, non, mais là, si vous voulez, c'est que les flics ils pourront plus bouger une oreille, enfin plus personne. Enfin, ça sera vraiment des enclaves algériennes. Sous la coupe de qui? Alors bon, l'État islamique, Al-Qaïda, les frères musulmans, enfin, faites ce que vous voulez, hein, mais bon, c'est les bougnoules, c'est le bougnoulistan, on est d'accord. Et là, ça prend une dimension, entre guillemets, nationale, c'est sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Et là, je dois dire quand même qu'on a basculé, c'est clair que cette élection nous permet de dire qu'on a basculé. La prochaine élection, bah, c'est de la démographie pure, hein, c'est ce qu'explique... comment dirais-je, c'est ce qu'explique le Bernard Lugan en Afrique, quand il parle de l'Afrique, quand il parle des élections en Afrique, dans les différents pays africains, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'inconnu. Les élections, c'est la race ou l'ethnie. Et c'est ce qui va se produire en France. C'est-à-dire qu'en fait, plus le nombre d'allogènes va augmenter, plus ils vont voter Mélenchon, France Insoumise, ou peu importe le nom, si vous voulez, de la coalition du moment, qui sera structurée autour de ces idées-là, quoi. Et les idées, ça sera simple, hein, ça sera victimisation à outrance des immigrés, avec fort ressentiment postcolonial, c'est-à-dire tout est de la faute des Blancs, de la France, des Français, de l'État français. Donc, peu importe ce que fera la République française, les autorités françaises, ils mettront du fric. Oui, vous comprenez. Quand on aura un chef de l'État, Macron, hein, je crois qu'il va y passer là, il va devoir s'excuser en disant c'est comment dirais-je pour la colonisation. Je veux dire, il va dire c'est pas de notre faute, vous comprenez. Mais bon, effectivement, il y a eu des crimes, etc. Plus les autres vont devenir fous. Etc. Enfin, on rentre enfin dans cette dynamique ouverte. Ou au plan institutionnel, au plan politique, je veux dire, le discours sur la laïcité, la République, le souvenir de l'Holocauste, tout ça, c'est fini, c'est terminé. Les gens comme Tahabouaf, les gens comme tous les Arabes qui vont rentrer à l'Assemblée, et encore plus dans 5 ans, ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de l'Holocauste, ils n'en ont rien à foutre de la Seconde Guerre mondiale, ils n'en ont rien à foutre des Juifs, ou alors si... uniquement par rapport à l'État d'Israël, à la Palestine, vous voyez. Donc voilà la configuration, et maintenant c'est la balkanisation qui commence. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Pierrot, Vincent, là-dessus, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce pari réussi de Mélenchon de finalement d'opérer la mue de la gauche d'hier pour en faire ce qu'il avait dit, c'est-à-dire le parti de masse des banlieues immigrées? Ouais, alors c'était prévu, en fait, c'était une stratégie de Mélenchon de... Parce que Mélenchon, au départ, il est sur une base un peu plus laïcité, vous voyez, Charlie Hebdo. Et donc, bon, il a fait son choix maintenant, ça fait un petit moment. Et c'est un choix, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. C'est décidé, il a pris le chemin. Et il ne faut pas s'étonner si on va avoir donc des députés de type Boaf, ok, intéressant. Peut-être aussi qu'on verra de plus en plus de cadres dont on... Ça va être de plus en plus officiel, en fait. Les mecs seront affiliés de manière officielle aux frères musulmans. Et puis, si jamais vous dites quelque chose, il y aura, mais attendez, frères musulmans, il faut le prouver, tout ça, vous êtes raciste, facho, machin, la rhétorique. Je pense qu'ils vont mettre en avant beaucoup d'hommes parce qu'effectivement, le frère musulman ne pourra pas voter pour des femmes. Et puis, on aura quelque part un vrai parti musulman en France, de gauche forcément, parce que les musulmans ne sont pas des gens qui travaillent et qui vivent, c'est des gens qui vivent sur les aides, donc ça sera forcément de gauche, et qui sera assez puissant. Là où Houellebecq s'était planté, c'est que lui, il voyait un musulman intellectuel avec une petite cravate arriver à la présidence. On va passer d'abord par l'étape Bouaf, avec des musulmans en casquette, survette, jogging, Lacoste, et puis qui vont dire « nique ta mère » en écoutant du rap, d'accord, on va passer par là. Et je pense qu'il y a des gens au niveau… c'est vrai que, comme tu disais, Gandalf, les gens au départ se disent « ouais, d'accord, mais moi, je suis déjà dans une zone remplacée. Je suis déjà… c'est déjà l'Algérie, en fait, autour de moi. » Là, c'est différent quand même, parce que si des responsables politiques officiels de la Ve République sont maintenant des semi-islamistes, et que ces gens ont du pouvoir, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je suis dans une enclave algérienne, on peut imaginer que je suis dans une enclave algérienne en France, si j'ai un souci, je peux quand même appeler les flics, il y a quand même des juges, il y a quand même deux, trois trucs qui fonctionnent un petit peu, et il y a au moins des alternatives, au moins sur le papier. Dans les faits, il y a effectivement une différence. Mais là, ça va être compliqué, parce que le haut de la pyramide pourra... tu mets des islamistes en haut de la pyramide, tu vas pouvoir peut-être juste te barrer, en fait. Ça va être la seule alternative. Alors, je suis obligé de quand même terminer cette courte intervention sur un point qui me tient énormément à cœur, c'est que là, c'est un tableau très, très noir que je viens de dresser, et je suis obligé de rajouter... C'est une excellente chose, ce qui est en train de se passer. Il faut absolument que ça se polarise. Donc, je sais que moi aussi, je suis redondant, je répète un peu la même chose. Mais il faut absolument qu'on arrive dans un moment où il y a les nationaux-socialistes du 4e Reich d'un côté et l'État islamique de l'autre côté. Ou des mecs avec des hommes vagins, travestis, transsexuels, ce que vous voulez. Il faut absolument que ça se polarise. Il faut absolument qu'il y ait une fracture. Le problème actuellement, c'est que c'est un peu hypocrite, c'est un peu biaisé, c'est un peu entre deux eaux. Et là, quelque part, Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est pas son objectif, parce que lui, il a un objectif purement électoraliste, hein, d'accord. Il voit très bien le fameux grand remplacement. Il le voit très bien, il en est très heureux. D'ailleurs, il le dit sur les tribunes, la créolisation de la France, il s'en réjouit. Donc, il voit l'avenir électoral et se dit, OK, faut draguer absolument les Noirs et les Arabes parce que c'est eux qui font des enfants. C'est eux qui vont grandir. C'est eux qui vont voter pour moi demain. C'est Mélenchon, il tient son mandat. Hein. C'est un mec qui. Ça fait 40 ans qu'il vit sur des mandats, d'accord. Il n'a jamais eu une fiche de paix de sa vie. J'en ai très, très bonne chose. Voilà. Oui, moi je dis encore une fois la même chose, hein, je le dis de cœur, mais vu l'apathie du peuple français, moi je commence à être quand même âgé maintenant, je veux dire, j'ai vu tout ça arriver, j'ai vu que dans les années 90, enfin 90, déjà le Front National annonçait tout cela, je veux dire, c'était clair pour qui voulait, les Français n'ont pas voulu voir. Bon, eh bien, c'est toujours le problème que moi j'associe à la providence. Quand vous n'entendez pas, eh bien, au bout d'un moment, eh bien, on vous met dans une situation où vous n'avez plus le choix. Et je pense en effet qu'on y arrive, mais moi, j'en suis navré. Mais je suis comme Pierrot. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive parce que là, les gens peuvent encore sortir, ils peuvent encore faire leurs courses, ils peuvent encore s'amuser. Donc, il continue. Bon, ben, il faut que ça arrive. Il faut qu'on arrive, en effet, dans des sites, dans régions entières de la France où, ben, les gens n'auront plus d'autres solutions que de partir. Alors, dans un premier temps, ils vont sûrement se réfugier dans des régions où ils pourront avoir des pavillons peut-être même protégés, etc., comme on voit en Amérique, dans certains comtés. Et puis, eh bien, un jour ou l'autre, ce sera quand même submergé. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus le choix. Il n'y aura plus le choix. Il y aura une fracture et une radicalisation des deux côtés. Je ne vois pas maintenant comment ça peut être autrement. Je ne vois plus. Je veux dire, donc voilà, oui, ça se passe. Ça se passe, mais je veux dire, on a beau être toujours objectif. Et puis... essayer d'être positif, d'être optimiste, en disant oui, bon, mais ils vont se réveiller, mais ils ne se réveillent pas. Bon, ben, on va se charger, enfin, le destin va se charger de vous réveiller de force. Mais les réveils de force, en général, c'est assez beau. Mais voilà, je vois un peu ce qui peut se passer d'autre. Regardez ce qui se passe ce soir. Ben, voilà, Emmanuel Macron, réélu avec plus de 50%. Bon, ben, écoutez, tout est dit. Vous voulez encore 5 ans, voire 7 ans. Peut-être je suis pas fou. Ben voilà, ben allez-y, allez-y. Je vais raconter une petite anecdote, c'est marrant. J'étais en déplacement professionnel dans l'ouest de la France pour me rendre à Paris, faire le chemin inverse aussi en fin de journée, avec deux collègues en voiture. Et on a parlé un peu de politique, et ces deux collègues, plus âgés que moi, me disaient qu'ils avaient clairement la sympathie pour le Rassemblement National. C'était encore le Front National d'ailleurs à l'époque. Donc je me sentais en confiance, et puis donc j'ai déroulé mon jeu, quoi. Et, de toute façon, déjà, de base, je déroule un peu mon jeu assez facilement. Je disais, oui, écoutez, moi aussi, ça me plaît, mais je considère que c'est trop mou. J'essaie un peu de mettre en avant des questions raciales plutôt que le débat stérile sur l'islam et tout. Et je voyais mon collègue qui rentrait dans une enclave algérienne pour rentrer chez lui. On était de retour. Et puis, il disait que c'était là, lui, ouais, voilà, ça explique pourquoi moi, j'ai quand même un avis favorable sur le Front National, tu te rends compte, voilà où est-ce que je vis et tout, donc je comprenais. Et par rapport à mon discours, il a fait, non, par contre, Pierrot, je te trouve bien sûr trop, je sais plus ce qu'il m'a dit, raciste, facho, enfin, un truc habituel, quoi. D'ailleurs, ça rentre même plus dans l'oreille maintenant, tellement qu'on me le dit. Et parce que moi, je vote pour le Front National, mais je suis pas raciste. Mais le mec était sincère, hein. Je suis pas raciste. Le seul truc qui me dérange, c'est que tu as vu là où je vis, eh ben j'ai pas envie que ma fille soit volée. Et ben en fait, c'est ça, finalement, quelque part. C'est-à-dire que j'avais le résumé un peu de la France, une partie de la France sous mes yeux. C'est-à-dire que le type, il vit dans une enclave algérienne, il y a des problèmes énormes. Mais en fait, il voit que son petit bout, son petit chemin, il a son confort. Il ne veut pas remettre en cause vraiment le système. Il est pour le Rassemblement National parce que juste, il ne veut pas que sa fille soit volée. Donc, si jamais on lui laisse un peu de pinard, un peu de cochon et pas trop d'islam, bah, il accepte la fin de la race blanche. Et c'est ça aussi qui pose problème aussi dans la composition politique d'une certaine extrême droite. Enfin, ces gens d'ailleurs sont pas l'extrême droite. Ces gens, en fait, ils veulent juste être tranquilles. C'est ça. Mais le problème, c'est que faut. Ils comprennent pas. Bon, je blâme pas normalement tous les Français, mais parce que c'est difficile d'avoir une vision politique à long terme et puis de voir la big picture, comme ils disent. Je sais pas comment dire ça en français, excusez-moi, oublié ce que je voulais dire. Mais c'est tout ou rien, en fait. C'est un combat à mort. Le docteur Goebbels avait raison. C'est une guerre totale qu'il faut. C'est-à-dire que il n'y a pas de juste milieu. Les gens qui sont au pouvoir actuellement dans les démocraties occidentales, ils ont un objectif, hein. Et si jamais nous, on est faible et qu'on ne se met pas en face, ils vont continuer. Il n'y aura pas de statu quo. À la fin, on ira vers l'État islamique, hein. Et on ne peut pas négocier avec l'État islamique, d'accord? Donc, c'est tout ou rien, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de « laissez-moi tranquille quelques instants, messieurs les frères musulmans, s'il vous plaît ». Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Thank you. Messieurs, bon, sujet au cœur de nos échanges aujourd'hui. L'attendait-on? L'attendait-on pas? La question est posée, ça dépend des différentes perspectives. Un certain nombre de personnes ont voté. Je ne sais pas parmi nos participants aujourd'hui ceux qui ont pu voter. En tout cas, si, je pense que Vincent n'a pas pu voter par la force des choses. Moi-même non plus, mais moi je suis un abstentionniste convaincu. Derek, je ne sais pas, Pierrot non plus, même si je pense que Pierrot n'a pas voté non plus. Mais peu importe, voilà, nous avons les résultats. Ah bah moi, je ouais. suis allé voter Marine Le Pen aujourd'hui. Ah là là, c'est pas ouais. vrai. C'est ah vrai. Bah écoute, oui, oui. Désolé de vous décevoir. Hein, ah non, moi, je ne décevais pas du tout. Hein, je peux tout à fait comprendre. Mais disons que je... Enfin, voilà, Emmanuel Macron, au plus, il est élu avec au score. Au plus, il aura tendance à vouloir me piquer. Je suis comme les nègres. Moi, je n'aime pas la science. Donc, je ne veux pas qu'on me pique. Donc, je fais comme mes compatriotes des Dom-Tom. Voilà, je vote Marine Le Pen. Oui, plébiscité Marine Le Pen dans les Dom-Tom. Et plébiscité, comme... plébiscité. Plébiscité, hein, ah oui. Hein. L'or bleu. Alors, bon, on s'est foutu de sa gueule pendant des années sur son amour de l'or bleu, comme quoi ça marcherait jamais. Là, pour le coup, c'est bien un truc qui a marché, c'est ça. Mais c'est bon, c'est presque. Ah là, attention. Moi, j'ai jamais dit que ça marchait pas au plan électoral. Moi, j'ai dit que ça marchait pas pour la race blanche. Oui, non. Ouais, bon, mais bref, non, mais peu importe. Moi, j'ai jamais cru que ça marcherait au niveau électoral. Je suis quand même surpris que. Peu importe, déjà, ça marche. Peu importe. C'est marrant. Oui, non, mais bon. Enfin, bon. La France a pris une direction qui de toute manière, finira. Je la constate. Voilà. Quel dommage que nous ayons abandonné Haïti, moi je te le dis. Hein. Quel dommage. Ah là, bah oui, c'est un regret. D'ailleurs, moi j'aimerais interroger. Abandonner, tu sais que la Haïti est à Paris. Hein. Oui, c'est vrai. La devise de la République d'Haïti, c'est liberté, égalité, fraternité. Il y a toujours. Il peut y avoir quelque part. Pourrait-on revenir en arrière? Terrain d'entente, une nouvelle République. Est-ce qu'Haïti pourrait annexer la France? Je pense qu'Haïti devra d'abord se convertir à l'islam. Ça dépend de la portion de nègres qu'il y aura en France. Donc le sujet reste ouvert. En tout cas, les résultats fluctuent encore un peu, mais on a un ordre de grandeur, c'est-à-dire que c'est entre 42% pour Emmanuel Macron, 42% pour Marine Le Pen, 58% pour Emmanuel Macron, avec une abstention assez forte, sans être catastrophique. Hein, je veux dire, bon, voilà, 28% d'abstention, 29, 27, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre exact. Bon, c'est loin d'être catastrophique. Hein, on est quand même sur. Il y a eu beaucoup d'abstention sur Paris et le 93, mais bon, le reste du pays a voté, les boomers ont voté. À bloc. Et justement, il faudra s'y arrêter. Ouais. Alors, je demande maintenant votre réaction. La surprise, c'est clair qu'elle ne faisait pas partie du mix, mais je voudrais quand même votre réaction sur ce résultat. Marine Le Pen donc, passe de 33 à 34 en 2017, c'est-à-dire il y a 5 ans, après tout ce qu'on a vu, à 42, donc c'est une progression d'environ 9 points en 5 ans. Je voudrais maintenant vous entendre là-dessus. Perso, je ne blâme pas du tout Derek pour avoir glissé un bulletin Marine Le Pen dans l'urne, d'accord. Alors, moi, je suis un peu comme Gandalf, hein, je suis un abstentionniste convaincu par principe, voilà. Je suis un nazi de l'espace, donc je ne peux pas... La démocratie, ça veut... Mais je suis capable de comprendre aussi les enjeux concrets politiques. De toute façon, il y en a un des deux qui devait passer, et j'aurais préféré que ce soit Marine Le Pen, et pas du tout pour la politique qu'aurait pratiquée Marine Le Pen. Déjà, je le répète, c'est trop personnel. Je pense que Marine Le Pen, elle m'aurait traqué, quoi, pour me foutre en taule et tout. Alors que Emmanuel Macron, il aurait peut-être un peu plus coulant. Parce que Marine Le Pen, elle doit montrer patte blanche. Hein. Donc, non, je suis pas nazi, tout ça. Regardez ce que j'ai fait. J'ai chopé des nazis, je les ai mis en prison. D'accord? Je pense que pour Grandel, ça, c'est à peu près la même chose. Mais bon, je vais encore me répéter, mais Le changement, c'est maintenant, quoi. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Hein. Il faut que ça bouge, il faut que ça pète. Et Marine Le Pen, elle aurait été dans une situation où, quelque part, le pays aurait été paralysé. Elle aurait tout fait pour essayer d'être crédible, efficace, ce que vous voulez. Mais on ne gouverne pas un pays avec juste une seule personne. Marine Le Pen n'a pas d'équipe. Elle n'aurait pas eu de relais. Elle n'aurait pas eu de juge, de commissaire, de préfet, de tout ce que vous voulez. Un appareil d'État, ça se contrôle avec beaucoup de gens, d'accord ? Et au nom de la lutte contre le fameux fascisme, alors nous on sait de quoi il en retourne, d'accord, mais au nom du barrage, les barrages des castors là contre contre le fascisme de Marine Le Pen, il y aurait eu des couacs et le pays aurait été paralysé, ça aurait été une excellente chose. Ou qu'il se passe un truc, quoi, qu'il se passe quelque chose. C'est pour les mêmes raisons que je voulais absolument que Sandrine Rousseau passe chez les Verts et foute un peu le zbeul. Voilà. Je suis déçu que ce ne soit, soit pas arrivé. Même très déçu, parce que là, Macron, c'est le pire statu quo possible. D'accord ? C'est vraiment... Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Je sais que Vincent Lapierre, qu'on salue d'ailleurs au passage, il a fait des micro-trottoirs récemment pour essayer d'interroger les électeurs d'Emmanuel Macron, donc des vieux, hein, des boomers, et il leur pose souvent cette question-là, mais quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Et les gens ne répondent pas, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à répondre. Emmanuel Macron, c'est juste, je préserve les acquis. C'est ça sa rhétorique, d'accord ? Ce qui est et plutôt la définition du vote réactionnaire, paradoxalement. Effectivement, ah, tout à fait, bah, c'est très bien relevé. Et donc du coup, ça arrange les possédants, ça arrange les retraités, ça arrange les boomers, ça arrange les vieux, ça arrange même une partie de la gauche d'ailleurs. Et puis en plus, alors Derek m'a fait savoir en off avant l'émission que Marine Le Pen s'était engagée à ne pas se représenter si jamais elle n'était pas élue cette année en 2022. Je vais vérifier l'information. Apparemment, effectivement, elle a dit ça. Donc, est-ce qu'elle va s'y tenir ? Promesse alcoolique. Voilà. Mais bon, ça va. Marine Le Pen a une train de vie, c'est absolument impossible que. Voilà. Voilà, donc en fait, je pense que c'est. Tout est catastrophique dans le sens où, au premier tour, déjà, c'était décrété qu'on n'aura pas de candidat qui va vraiment. J'aurais préféré Mélenchon, pour vous dire, qui va vraiment remuer un peu le caca et avoir une chance de passer. Puis au second tour, du coup, on a la confirmation que bah, le statu quo reprend pour 5 ans. Et en plus, est-ce qu'on ne va pas se retraîner le boulet Rassemblement National pour 5 ans de plus qui va bomber le torse et dire, vous avez vu, quand même, on a de la légitimité parce qu'on va réussir à gratter peut-être 3 députés aux législatives et ils vont nous vendre encore des nègres patriotes, des bougnots patriotes, des je ne sais pas quoi patriotes. Bref, donc... Je pense qu'on est dans le pire scénario que je pouvais envisager. Je suis désolé des mauvaises nouvelles, mais c'est mon sentiment. Vincent, ta réaction suite à ce résultat ? Eh bien, moi, ma réaction, c'est... Je l'avais prévu. Je rappelle que dans une vidéo que j'ai postée que j'ai publiée il y a quelques jours, j'avais dit que... qui était intitulé « La dédiabolisation va-t-elle payer ?» Moi, j'étais certain que non, naturellement, mais je ne voulais pas non plus, comme on dit, casser la baraque. Je ne pense pas avoir l'audience capable de casser la baraque, mais j'avais dit que si la dédiabolisation avait bien fonctionné, Marine Le Pen pouvait être élue, ou au moins, il se tiendrait à 4% l'un de l'autre, c'est-à-dire que Emmanuel Macron aurait moins de 52% et Marine Le Pen aurait plus de 48%. Puis j'avais dit que si la propagande antifasciste était faible, n'avait plus qu'une faible efficacité, Emmanuel Macron ne serait qu'entre 52 et 55%. Et j'avais dit que si la propagande antifasciste fonctionnait encore, fonctionnait encore beaucoup, eh bien Emmanuel Macron serait entre 55 et 58%. Et j'avais dit qu'au-delà de 58%, ça prouverait que la propagande antifasciste fonctionnait encore, même avec un personnage comme Marine Le Pen. C'est ça. Bien, moi, personnellement, oui, je voyais, si j'avais donné ce 58%, c'est que, au fond de moi-même, je prévoyais que ce serait ça. Vous voyez, je ne me suis pas trompé de beaucoup, puisque, visiblement, il est à 58,2%. Alors, ça va encore changer, parce qu'on n'a pas dépouillé tout. Mais en gros, eh bien, on s'aperçoit que même avec une Marine Le Pen qui a tout fait pour se dédiaboliser, jusqu'à exclure son père, jusqu'à essayer de donner tous les gages possibles, eh bien, la dédiabolisation, je ne dis pas qu'elle n'a pas fonctionné, elle a encore progressé, mais ce que je dis souvent, c'est que du côté de la droite nationale, ou ce qui représente la droite nationale, légitime ou pas, ça ne m'intéresse pas, on se satisfait toujours, on dit « Oh, c'est merveilleux, oh mais voilà, aujourd'hui, maintenant nous sommes à 42% ». Mais pardonnez-moi, avec ce qui s'est passé depuis Chirac, depuis Sarkozy, Hollande et Macron, la droite nationale devrait être à 70%. Or là, on s'aperçoit que, c'est encore l'échec. Alors oui, ils ont grappillé des voix. Mais dans le contexte que l'on vit, c'est un raz-de-marée qu'il devrait y avoir, et depuis longtemps. Et ce raz-de-marée ne vient pas. Et pour des gens qui commencent à être âgés comme moi, souvenez-vous, lorsqu'en 1991, Bruno Maigret disait « Oh, mais dans la situation que l'on vit, avant la fin de la décennie, on sera au pouvoir. » J'ai le numéro de National Hebdo où il dit ça. Je l'ai d'ailleurs montré plusieurs fois dans des vidéos. Donc, c'est-à-dire que on nous dit toujours « Bon, ben, pour demain, c'est bon. » Demain, ça va être bon, là. Non, mais en 10 ans, c'est bon. Puis après, non. Puis voilà, de 2002, ça y est, la France se réveille. Oui, ben, une génération après, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc, moi, quelle est ma réaction? Ma réaction est toujours la même chose, hein. Quand les supermarchés seront pleins, les portables en fonctionnement et les pompes à essence pleines, eh bien, il n'y aura pas d'espoir. Comme on le disait tout à l'heure, on est tout à fait d'accord avec Pierrot. Il faut qu'il y ait vraiment une fracture, une crise, un collapsus général pour que peut-être les gens se réveillent. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'attends cette fracture et le résultat de ce soir ne me surprend absolument pas parce que, vous savez, ce phénomène de dédiabolisation dont on parle, je dis pas qu'il ne fonctionne pas du tout. Mais c'est un principe de psychologie élémentaire. Autant il est facile qu'on vous mette une étiquette sur le dos, autant une fois qu'elle vous est mise, il est extrêmement difficile de l'enlever. Et quand on s'appelle Le Pen, on a beau faire n'importe quoi, il est extrêmement difficile. Encore une fois, c'est un principe très très connu en psychologie. Par exemple, dans une entreprise, un jour, quelqu'un oublie de fermer l'atelier le soir, il aura l'étiquette de celui qui oublie de fermer l'atelier. Et dès que si un jour l'atelier n'est pas fermé, ce sera automatiquement lui. Et il aura beau dire « Mais moi, je l'ai oublié qu'une fois, depuis je l'oublie pas, j'ai toujours fermé. Ah non, t'es celui qui oublie de fermer l'atelier. » Et tous ces mouvements vont être analysés avec ça. Il suffira de voir sortir un soir sans fermer l'atelier, on dira « Mais t'as oublié !» Il dira « Mais non, j'allais juste à ma voiture pour la charger, je reviens, je ferme. Non, t'allais oublier. » Bon ben, Marine Le Pen, c'est ça. Elle a beau donner tous les gages, il suffit qu'il y ait le moindre accident de parcours, qu'elle participe à une fête avec des gens qui sont plus à droite qu'elle. On dit « Voilà, regardez, elle n'a rien renié. » Et puis derrière elle, qu'il y a, il va y avoir des gens beaucoup plus radicaux, et puis son discours, ce n'est qu'un discours de circonstance, mais en fait derrière il y a un vrai discours fascisant, etc., etc. Et ça tient. Et on voit ce soir des gens qui, il y a eu le réflexe antifasciste, et puis il y a eu le réflexe pro-Macron, parce que nos boomers et nos Français, bien, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent toujours être protégés, ils veulent être tranquilles chez eux. Et Emmanuel Macron, il a géré la crise de la Covid comme il le fallait. Il a imposé des choses, mais les gens, la plupart, le réclamaient. Ils réclamaient cette protection. Sinon, ils auraient dit, mais que fait l'État? Que fait l'État? Il ne fait rien. Et c'est ça. Et regardez, c'est le même réflexe avec le climat. Avec le climat, qu'on y croit ou pas, au réchauffement, c'est pas ça le problème, mais c'est de dire « il faut que l'État intervienne, il faut que l'État intervienne ». Voilà, bon, ben, c'est pareil. Il a fait ce qu'il fallait pour la Covid. Il a admirablement bien géré la crise. Et je l'avais dit en février, encore une fois. J'avais dit, mais oui, il a géré comme il fallait. Les gens veulent être protégés. Les gens veulent dormir. Et comme n'importe qui dort, il veut pas être dérangé. Alors, conserver les acquis. C'est ce que disait tout à l'heure, je crois, Pierrot. Hein. Emmanuel Macron, c'est celui qui conserve les acquis. Et c'est ce que valent les gens pour l'instant. Tant qu'on croit que les acquis peuvent être conservés, eh bien, on vote. Alors, de plus en plus, il y a une fronde. Oui, voilà. Donc, ce soir, moi, je ne suis absolument pas sûr. Comment ? Pardon, je ne suis absolument pas surpris. Et c'est la France qui continue à s'enfoncer, mais jusqu'au collapsus qui arrivera peut-être. Seulement, est-ce qu'il y aura encore assez de gens pour se réveiller quand le collapsus arrivera ? Ça, c'est un autre problème. Voilà ma réaction face à cette élection. Oui, la fronde qui peut y avoir, ça reste somme toute quand même marginal pour l'instant. En tout cas de notre côté, je pense du côté national. Hein. Là où il peut y en avoir le plus, ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était du côté FLN, hein, du côté de la France Insoumise. Ouais, voilà, les Arabes. Hein. Mais, ouais. Ben oui, voilà. Mais moi, le score de Marine Le Pen, je pense pas que le coup de la diabolisation, etc., ça, il n'y a pas eu de peur du grand méchant loup fasciste, etc., quoi, pour le coup. Je pense que le résultat correspond très précisément à ce que les Français veulent, à l'état de l'opinion. Oui. Je pense pas qu'il y ait eu des gens qui soient allés voter par peur, etc. Non, c'est qu'il y a effectivement le camp macroniste s'est mobilisé parce que ce sont des gens qui ont eu leurs intérêts défendus et avec un certain fanatisme par le président de la République. Et ces gens-là, donc, sont très satisfaits de la situation actuelle. Ils entendent comment ne le serait-il pas, d'ailleurs ? Bah oui, enfin, tout va très bien. Hein. Non, mais je veux dire, c'est à un moment donné, vous savez, il y a eu le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen a été très en réserve, très, très, très timide, en réalité, très... Quoi qu'on en fasse, hein. Je veux dire, elle porte le stigmate du débat de 2017. Donc en fait, même si ça n'a pas été le débat catastrophique de 2017, à chaque fois qu'elle sera en vis-à-vis de Macron, ceux qui auront un peu de mémoire, alors je sais que les masses n'ont pas beaucoup de mémoire, mais ceux qui ont un peu de mémoire se rappelleront nécessairement l'échange précédent. Mais c'est pas pour dire que c'est une question de tactique ou quoi, simplement que lors de l'échange, avec Emmanuel Macron, où Macron était très décontracté, certains ont dit qu'il était un peu méprisant, provocateur, ou voilà. Oui, il était en terrain conquis, hein, manifestement. Il disait, bon voilà, je me livre à l'exercice parce que j'ai pas trop le choix, mais bon voilà, donc vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez, quoi, en gros, quoi. Oui, c'est un peu comme quand vous tombez sur un commerçant qui est sur le point de fermer sa boutique et il y a quelqu'un qui arrive et dit, oui, mais j'aimerais juste acheter un truc, oui, voilà, donc c'est quoi le problème, en fait, là. Vous voyez, c'était ça que donnait comme impression Macron. Et il pouvait se le permettre parce qu'il était très sûr de son fait, en réalité. Et Marine Le Pen lui dit à un moment donné, parce qu'il y a une histoire là du confinement et tout, et il dit, mais j'assume les 600 milliards. Pour moi, ça, tout est là. Tout est là. Marine Le Pen n'a pas su le foutre en boîte là-dessus. Bah, vous pouvez pas. Si, c'est facile. Il dit, comment ça vous assumez? Mais il fallait le dire. Il dit, vous n'assumez rien du tout. C'est pas votre argent. C'est l'argent des générations futures. C'est les générations futures qui vont devoir payer votre dette. Comment? Avec quoi? Où? Non, mais c'était. Oui, mais ça n'aurait rien fait. Hein. Mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que tu dois balancer le fait que le type. Parce que alors Madame Le Pen, vous auriez laissé mourir des commerçants de faim, voilà. Non, parce que c'était la situation sanitaire l'exigeait. La non, science, tu parles. La science, la science. Ça, c'est bien sûr. C'est, voilà. C'est des conneries. La Suède n'a même pas fermé mais ses. C'est des conneries, mais si elle dit le contraire, elle va apparaître comme complotiste, etc. Mais non. Attends, la Suède n'a pas proclamé de confinement pour ses commerces, etc. Et personne n'a fait naufrage. Ça ne parle pas aux Français. Et ben alors qu'ils crèvent. Ah ben moi je suis. C'est ça le sujet. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Oui. C'est-à-dire que quand l'autre il dit j'assume les 600 milliards, toi tu dois le regarder dans les yeux et tu dois lui dire monsieur, les 600 milliards vous ne les assumez pas parce que ce n'est pas votre argent. C'est l'argent des générations futures que vous placez sur leur dos alors qu'ils ne peuvent pas se prononcer lors des élections. Donc vous leur imposez des choix. Ils vont devoir rembourser. Avec quoi? Comment? Dans quelles circonstances? Donc, gouverner à vue, avec de tels volumes d'endettement, parce que ce sont des volumes... On ne peut pas gouverner la France ainsi. C'est ce que fait cet homme-là. D'accord? Donc, parce que son truc, il a foutu 600 milliards. Donc c'est quoi son projet pour les 5 prochaines années? Rajouter 800 milliards? 1200 milliards? Mais d'où il va les sortir? Vous comprenez? On ne peut pas tenir dans la longue durée là-dessus, ni même sur le moyen terme. Marine Le Pen n'a pas eu cette capacité à s'insurger contre le sacrifice des générations futures, donc de montrer qu'il y avait un caractère générationnel dans tout ce qui s'était passé, parce que Marine Le Pen n'assume pas la confrontation générationnelle. Je pense que c'est ça le problème fondamental. Mais ça n'est pas payant électoralement en plus. Hein. Oui, mais il faut savoir le faire parce que tu vois, c'est de l'investissement. Elle n'a pas de vision d'avenir, elle avait sa vision, j'ai mon élection dans la semaine. Tu vois, c'est... Ouais, mais Mélenchon a cette vision. C'est-à-dire que Mélenchon, lui, il joue toujours d'une élection sur l'autre. Tu vois, quand il capitalise, il investit. Comme quoi, d'ailleurs, c'est peut-être plus un chef d'entreprise qu'autre chose, Mélenchon. Mélenchon, il regarde sur sa longue durée, il regarde ses parts de marché, il voit les potentialités de croissance, tu vois. Et il se dit, bah, moi, démographiquement, j'ai des bases là, j'ai des bases solides, alors je vais commencer à semer. Tu vois. Et il envoie les messages. Mais il envoie les messages bien avant, et pas que sur cette élection-là, l'élection précédente. Marine Le Pen, elle s'en branle. Mais ça aurait été très payant, 5 ans plus tard, parce que les gens se diraient « Ah, mais en fait, Marine Le Pen, elle défend les jeunes. » Parce que plus les autres vieillissent, plus les machins... C'est une vraie confrontation. Je veux dire, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est la recette miracle, mais je dis que tu ne peux pas faire l'impasse sur cette dimension flagrante, et de plus en plus flagrante, des enjeux électoraux. Regarde bien l'équilibre démographique de la France actuelle, mais surtout en 2027, parce qu'on va raisonner en termes d'horizon d'élection présidentielle, on va dire. Ça nous donne une certaine visibilité. Regarde. On est maintenant à 17 millions de retraités en France. On en a gagné depuis 2015 environ, sous Hollande, environ 2 millions. Plus ou moins. En 2030, aux alentours d'eux, on en aura 20 millions. Voire 21. 20, 21. Donc tu as un bloc de 20 à 21 millions de gens qui dépendent du chèque de l'État à la fin du mois. Bon, vous allez dire, il y a les mutuelles, j'entends bien, mais voilà. Il est captif, cet électorat. Il est captif. Il va obéir au doigt et à l'œil du partisan du statu quo. 20 millions de personnes disponibles électoralement pour voter, survoter en faveur du système. Les nouvelles générations, c'est quoi? C'est soit des halogènes, soit des blancs. Sauf que les halogènes, on sait qu'ils branlent rien, la plupart du temps. C'est pas une force productive. Très peu de valeur ajoutée. Ça zone, ça squatte, ça exploite. C'est pas qu'il n'y a pas de parasites chez les jeunes blancs, il y en a, mais bon, en termes relatifs, c'est la réalité. Donc en fait, le cœur de l'électorat de Marine Le Pen, c'est quoi? C'est les classes actives blanches. C'est les classes actives blanches. C'est ça le cœur nucléaire de son électorat. Et l'interdit dans le discours actuel, parce que tout le monde parle d'immigration, etc. Moi, je viens. Donc, il n'y a pas d'interdit. En fait, il n'y a plus d'interdit sur les questions d'immigration. En fait, tu peux dire, ouais, mais les immigrés, etc., les musulmans, le truc. Tu peux. Mais par contre, sur les générations, il n'y a pas un mot. Au plan politique, il n'y a pas un mot. C'est-à-dire que tu n'as pas un candidat. Tu n'as pas un candidat en France politique qui a un mot à dire. Sur... Bah, c'est normal, tu te sabordes, quoi. Eh ben voilà, mais si justement mais quelqu'un c'est... se sabordait. Mais c'est le cœur de la question. Ouais. Oui, mais si quelqu'un se saborde. Ça fait des années qu'on qu'on évoque le problème. Hein. Certes. Mais si tu dis se saborder au sens tu peux pas réussir si tu le dis. C'est vrai. Mais là, les gens. Les classes actives diraient ah ben merde alors en fait nous on produit mais on est interdit du pouvoir politique. Mais justement c'est là que les nouvelles possibilités émergent, c'est-à-dire que du moment où les classes actives blanches réalisent qu'électoralement ils ne peuvent pas mathématiquement l'emporter, ils se diraient, mais attendez, votre cinéma républicain, démocratique, où tout le monde va foutre un... Ça sert à rien, en fait. Je suis sûr de paumer à chaque coup. Comme en Afrique, hein. Voilà, c'est Lugan. On perd à chaque coup. Alors, bah, pourquoi je participerai? Je paye, mais je peux pas avoir mon mot à dire. Les retraités, 20 millions, ils ont leur mot à dire. Ils payent rien. C'est des parasites purs. Les métèques qui viennent de l'étranger, à qui on donne tout, c'est des parasites purs. Et moi, qui contribue, je dois fermer ma gueule. Parce qu'arithmétiquement, dans le système démocratique, je ne peux que fermer ma gueule. Tu places ça sur la place publique, putain, t'as une révolution fasciste. C'est pour ça que c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que c'est ce clivage-là qu'il faut mettre au cœur de la discussion publique et pas du tout les trucs, soit qui sont complètement actés et dont finalement tout le monde se fout, des débats qui sont inutiles, quoi. Je veux dire, tu mets la question générationnelle au cœur des débats, tu lis ça aux réflexes électoraux, tu dis, bah voilà, les gars, vous avez 20 millions de parasites, les mecs, ils sont sur votre dos, et ils gagnent à chaque coup, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont au casino, ils gagnent. À chaque fois, c'est Macron qui repasse, un succès d'année. Vous pouvez pas l'emporter à ce jeu-là. Là, les mecs qui bossent et qui contribuent, les travailleurs blancs, là, ils disent, attends, là, il faut remettre à plat le système. Mais c'est vrai d'ailleurs qu'il faudra regarder les résultats. Bon, c'est des sondages, hein, par classe d'âge. Hein. On a vu ce que ça avait donné au premier tour. Au premier 40% à peu près. Pour les retraités. Ouais, au premier tour, c'était. Oui. Pour Macron. Non, les retraités votent à 70% pour Macron, je crois. Hein. C'était 70%, hein. 70-30. Donc l'écart est assez énorme. Ah, j'ai pas vu les mêmes chiffres. Je sais pas si c'était au niveau socio-professionnel ou au niveau des âges, je sais pas. Non, au niveau des âges, c'est 70-30. Hein. Donc l'écart est énorme. Et c'est une génération qui est importante en nombre, qui est assidu au vote. À voir, parce que les scores que j'avais, les sondages en tout cas, les sondages d'opinion pour le second tour, c'était effectivement les actifs votés en majorité pour Marine Le Pen, et donc en gros c'était du 55%, hein, à peu près, entre 50 et 55%. Même les jeunes, même au niveau de la jeunesse, ça, on avait une majorité. Et dès que tu arrivais sur la retraite, hop, 70-30. Ouais. Et c'est effectivement c'est le clivage qui va on avait parlé, hein, quand Macron a fait toutes ces mesures vexatoires à l'égard des jeunes pour satisfaire les diabétiques qui vont s'empiffrer dans des restos, c'était pour satisfaire un électorat. C'était pas il y a peut-être une part de sadisme, mais le sadisme qui plaît aux boomers radicalisés. En France, le seul qui évoque le problème, à ma connaissance, en tout cas dans des sphères qui ne soient pas les nôtres, hein, les méchants nazis, c'est Pierre Gentillet, qui est ancien président des jeunes UMP ou un truc comme ça, C'est pas un avocat, lui? Qui est avocat. Ah oui, voilà. Qui est avocat, maintenant, qui maintenant intervient un petit peu dans les médias. Et qui, lui, oui, lui a été. Enfin, toute la partie. Depuis la période, l'arc Covid, hein, il a été très à la pointe là-dessus. C'est-à-dire, comment ça ces gens nous imposent des mesures vexatoires en fonction de leur humeur, et puis dès qu'il s'agit de faire des mesures discriminatoires, enfin, où on laisserait les jeunes tranquilles, parce que bon, les jeunes ne risquent rien. Là, non, tout de suite, c'est attention, la République est une indivisible, on ne fait pas de discrimination. La République est un bloc, mais quand on veut. Oui, voilà, quand on veut et comme on veut, c'est le Conseil constitutionnel, oui, bon, ça va, ouais, c'est bon. Il a compris le truc. Lui-même n'est pas vacciné, d'ailleurs. Il a bien fait. Peut-être qu'il sera bientôt euthanasié. Oui, peut-être. Voilà, non, mais je veux dire, comme tous les autres. Non, mais je sais pas, parce que là, question-là, enfin, ça fait des années qu'on pousse cette question-là. Bon, il y a des gens qui ont cru intelligent de dire que c'était un délire de nous, hein. Si vous pensez, vous devez sûrement savoir à qui je fais référence. Je ne les nommerai pas. Mais des gens à l'extrême droite se croient très malins en disant que non, mais il n'y a pas de question générationnelle. Bon, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Bon, récemment, il a redécouvert que l'eau mouillait, hein, bizarrement. Bon, bref. Mais c'est. Non, mais c'est quelque chose qu'on va devoir pousser. Voilà. Obligé. Bon, de toute façon, le problème, en fait, parce que ce qui est générationnel par définition, on va dire, ouais, mais les boomers, ils vont finir par crever. Non, mais d'accord, mais ils vont pas crever après-demain. Hein, je veux dire, ils vont crever quoi, dans 15 ans? Ah oui, il y en a au moins pour 10 ans. Hein, T'en as 10 ans, tranquille. Et puis ensuite, ça résout pas le problème. C'est tout le problème. Ben ensuite, oui, non, parce que je vous explique. Ce qui arrive derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le vieillissement, il est vraiment tendanciel. Donc, on pourrait se dire, c'est bon, ok, 2030, c'est le cap, on n'en peut plus, d'accord. Mais après, le nombre, la part relative du nombre de retraités dans la population va baisser. Donc, mécaniquement, on va s'en sortir. Non, mes amis. Mais non, parce que l'Afrique arrive, le FLN. Parce que les Blancs n'ont pas fait assez de gosses, entre-temps. Et qu'entre-temps, l'immigration de masse arrive. Donc, c'est Mélenchon qui arrive. Donc, si vous trouvez que Mélenchon fait des gros scores, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est-à-dire Macron va baisser. Il ne peut pas baisser. Macron va baisser peut-être dans 10 ans. Mais tout ce qu'il va perdre, c'est Mélenchon qui va l'engranger. Alors, je sais que ça peut être trompeur. Parce que quand on voit les scores de Marine Le Pen, on se dit, moi, elle est à 42. La dernière fois, elle était à 33. La prochaine fois, elle sera à 51. Alors, désastre qu'on n'a pas prévu, enfin, je sais pas, enfin, sauf imprévu, si on suit la pente, regardez bien une chose, Marine Le Pen a été qualifiée au second tour de l'élection présidentielle à 1% devant Mélenchon. 1%. Tout à fait. C'est des modèles qui ne tiennent pas la route. De dire qu'elle est passée de 33 à 42, donc elle est arrivée à 51, c'est totalement ignorer la limite des modèles. Or, justement, il y a cette montée en flèche de Jean-Luc Mélenchon, c'est celle-là qui va se confirmer. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a un facteur temps qui est évident. C'est que, à force de dire, au bout d'un moment, les gens, ça va plus tenir, etc. Oui, mais voilà, on a tout un électorat qui est prolifique et qui ne sera pas vers nous, hein, je veux dire, c'est évident. Et là, on va arriver à des problèmes qui, en effet, sauf imprévu, risquent d'être insolubles. C'est que, oui, quand on dit que les boomers vont disparaître, c'est pas demain. Et puis, sans compter que... je pense que ce qu'a dit Derrick, par exemple, sur la France, que le discours générationnel ne parle pas à même à la France active, je pense que c'est, il a raison, parce que même ces gens qui travaillent aujourd'hui et qui peuvent se plaindre, c'est vrai qu'ils votent dans une courte majorité à Marine Le Pen, ils votent Marine Le Pen, mais normalement c'est à 80% qu'ils devraient voter Marine Le Pen. Mais je pense que si c'est pas le cas, c'est que beaucoup se disent, bon, aujourd'hui c'est moi qui trime pour les autres, mais bon, demain je serai retraité et ce seront les autres qui le trimeront pour moi. Et finalement, ils se disent, bon, bah, même si à l'heure actuelle le système est en ma défaveur, si on reste comme ça, après tout, moi, j'en profiterai d'ici 5-10 ans, donc c'est pas plus mal. Exactement, voilà. Exactement. Ouais. C'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, il n'y a plus aucune vision future. Ouais. Et ça vient justement de l'individualisme et de se dire, bon, bah, après tout, c'est vrai, pour l'instant, c'est moi qui trime. Mais demain, j'en profiterai. Ah, oh, ce sera l'âge d'or pour moi. Voilà. Et on en revient toujours à cela, c'est des gens qui n'ont pas de vision, plus rien. C'est la béance électorale. Et cette béance se retrouve, c'est la béance politique, pardon. Et cette béance se retrouve dans les candidats qu'il y a là, justement, qui ne sont pas capables de dire, mais comme tu as dit très bien, mais vos 600 milliards, c'est une traite imposée aux jeunes générations. Mais non, parce que ça parle pas, tout le monde s'en moque. L'important, c'est aujourd'hui, c'est demain. Voilà, C'est exactement ça. C'est le propre. C'est inhérent à la démocratie. C'est inhérent à la démocratie. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que la capacité. Marine Le Pen, c'est la pompe à essence, quoi. Voilà, la pompe à essence, la fin du mois. Ça s'arrête là. C'est ça. Exactement. Ça ne va pas plus loin. Et je me rappelle des gilets jaunes. Un truc qui m'avait. Des déclarations qui m'avaient affolé, c'était. Notamment ces gilets jaunes qui disaient, mais si jamais on fait enfin payer les riches et que le pouvoir d'achat est mieux pour les pauvres, eh bien, ça s'arrêtera dans une semaine. J'avais dit, si votre vision ce n'est que ça, j'avais compris, j'avais dit, bon, c'est bon, c'est fini, le mouvement est avorté avant que ça démarre pratiquement, c'est fini. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé, hein. Bon, pas si t'es morasse, mais bon, quand même, le peuple n'a pas d'idéal, il n'a que des besoins. C'est la réalité, hein. Faut pas s'imaginer le reste, quoi. Donc malheureusement, mais la démocratie est un système formidable pour détruire un pays, quoi. Parce que finalement, vous avez les élections intermédiaires, enfin, régionales, départementales, etc. Bon, qui sont des mini élections, mais dans la presse, aux ordres, fait un immense enjeu à chaque fois. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est une question de vie ou de mort. Et puis ensuite, une fois qu'elle est passée, tout le monde a tout oublié. Et la présidentielle, c'est la même chose, mais en version paroxystique. Donc on remet le même truc. Bon, les gens sont complètement fous, ils sont très tripes. Ça dure 8 mois. Là, ça a duré 8 mois, hein, parce qu'on était à la sortie de l'été pendant 8 mois. Les gens pour, contre, truc, celui-là, non, pas celui-là. Posez-vous la question. Si les gens veulent se demander, mais comment ça se fait que ça perdure, ce truc? Si jamais quelqu'un, par hasard, se pose la question. Mais c'est comme le tiercé. Ou le football. Mais je veux dire, le football, jouer, miser sur les équipes, je dis pas de regarder le match. Pourquoi ça marche après un siècle, 2 siècles? Ben c'est très simple. Ça permet de tuer le temps. Il n'y a pas d'après. Vous comprenez? C'est la même chose. Donc les élections, si vous voulez, c'est tu mises sur ton petit cheval, l'autre il a son petit cheval, puis tu détestes l'autre truc, voilà, puis t'es omnubilé par ça, et puis une fois que t'as réalisé ton petit tour de piste, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de révolution copernicienne, t'as pas avancé d'un centimètre. T'as juste reconduit des bonimenteurs, c'est ce que t'as fait. C'est t'as, ça. Voilà. Et maintenant on a augmenté avec les élections avant les élections. Alors ça, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Je veux dire, c'est primaire. C'est-à-dire qu'on fait des élections avant les élections dans chaque parti, tout le monde c'est parti, tout le monde est là, qui s'y a, et puis ensuite il y a les vraies élections. Mais en fait, ce n'est qu'un divertissement parmi tant d'autres. C'est parce que les gens n'ont rien à faire, ils veulent de l'excitation, alors on s'excite sur des élections, et puis une fois qu'elles sont passées, voilà, c'est fini. Mais ça a donné de l'excitation, ça a comblé le vide. C'est tout, c'est tout. Voilà pourquoi ça marche. C'est ça qui est dramatique, c'est absolument dramatique. Mais il y a quand même de véritables enjeux, parce qu'on ne peut pas dire non plus que c'est juste une course de petits chevaux sans véritable enjeu, parce qu'il y a quand même des groupes d'intérêts. Il y a quand même des groupes d'intérêts. Il y a quand même des gens qui ont intérêt à ce que les élections se passent d'une certaine manière. Ça, c'est indubitable. Donc, en fait, ceux qui peuvent être comme nous, sentir que les élections ne sont pas pour eux. Vous voyez ? Où on vous pose la question, mais en fait, tu soutiens quel cheval, toi ? Et tu as envie de dire, bah aucun, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est en fait parce qu'on est disqualifié dès le départ. Vous voyez, c'est qu'on n'a pas le droit de concourir. Nous, c'est simple. Socialement, politiquement, économiquement, on est disqualifié. On sait qu'on ne peut pas avoir un mot à dire. Les autres groupes, en revanche, eux, ils ont vraiment un mot à dire. Les retraités, ils ont vraiment un mot à dire. C'est indubitable. Les fonctionnaires, comme catégorie politiquement organisée, généralement groupée autour de Mélenchon, d'ailleurs, a un mot à dire. Eux, ils ont des intérêts très concrets et ils fonctionnent beaucoup en groupe. Pourquoi ? Mais c'est très simple. Quand vous êtes dans la fonction publique, c'est comme si vous étiez dans une très grande entreprise. Il y a l'esprit de groupe. C'est pas du tout la petite entreprise. C'est pas celui qui a sa boîte à le faire tourner le matin. Lui, il est dans une espèce de caserne où il a des collègues, où il y a des syndicats, où les types consomment les mêmes trucs. Donc, il y a des phénomènes de mimétisme. D'accord ? Et on identifie très vite ses intérêts sociaux et économiques. Et on se crée sa petite sous-culture de groupe. Vous comprenez ? Je l'ai vécu. Moi, j'ai été dans l'éducation nationale, donc j'ai perdu. Je l'ai rejeté très vite, évidemment. Mais je l'ai identifié, je l'ai cerné très très vite, ces comportements de claniques. J'ai rien contre le comportement clanique, si vous voulez, mais parce que l'homme a besoin de clan, si vous voulez, de se sentir appartenir à quelque chose. Mais ça sert de substitut à des sentiments claniques plus naturels, plus sains. Et la fonction publique est très organisée et elle veut défendre pied à pied ses intérêts. Donc, retraités, fonction publique et une autre catégorie dont on a parlé dans l'émission aussi, hein, les musulmans plus que les immigrés d'ailleurs. Les immigrés étant une catégorie très très floue, les musulmans, eux, parviennent à s'identifier désormais sur la question de l'islamophobie. Donc, en négatif. Paradoxalement d'ailleurs, c'est pas sur des valeurs positives d'affirmation, c'est sur des valeurs négatives. Voilà, je me sens agressé, donc on fait bloc. Donc, oui, qui sont beaucoup plus, qui fédèrent beaucoup plus facilement. Aussi, mais qui sont plus vindicatives, forcément, quoi. Bien sûr. Et qui appellent à des représailles, etc. Donc on sent déjà le cycle de vengeance se mettre en place, ce que maîtrise totalement Mélenchon. Mais pour les petits blancs évincés dès le départ, qui sont quand même nos gens à nous et dont on procède, eux c'est simple, c'est-à-dire que personne ne veut leur parler. C'est-à-dire que les médias ne veulent pas leur parler à eux, c'est clair. Hein. Moi je veux dire, BFM TV, CNews un peu plus, parce qu'il y a un effort qui est un peu plus fait de la part de la rédaction CNews, très cyniquement, je veux dire, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein, je veux dire. Mais encore, c'est CNews, c'est un média parmi d'autres, d'accord ? Donc c'est pas tous les médias, je vois toute la gauche sexy sur CNews, mais d'abord c'est juste un média parmi d'autres. Et quand on a fait la totalité du nombre d'intervenants dits d'extrême droite qui intervient sur CNews, donc sur un média, c'est 25%. D'accord ? Mais la France est... Le paysage médiatique français est tellement à gauche que quand une chaîne se permet de mettre 25% des participants à l'extrême droite, donc finalement assez en phase avec l'état de l'opinion, voire même en deçà, ça choque tout le monde et toute la gauche s'excite, CNews au secours, Bolloré, quel est le complot ? À côté de ça, Drahi peut passer tranquillement avec sa limousine, le mec déroule pour tous les autres, Mediapart ne s'en offusque pas, je veux dire, ils s'en foutent, quoi. Donc en fait, les petits blancs comme nous, donc soit que c'est des déclassés, soit que c'est des petits blancs qui sont ostracisés pour des raisons raciales, soit que c'est des entrepreneurs, enfin des gens qui réussissent dans la vie, mais qui sont persécutés par le fisc français. Cette classe-là n'a pas le droit de s'exprimer. On n'a pas de grands médias, on n'a pas de grands syndicats, on n'a pas de grands partis, sauf le Front National. Mais qu'est-ce que dit le Front National ? Le Front National dit une chose, enfin le Rassemblement National aujourd'hui. Le Rassemblement National, dans son expression publique, qu'est-ce qu'il dit ? Sa marque de fabrique, ce n'est pas d'entrer en résonance avec toutes les préoccupations que sont celles des gens comme nous. Je dis pas comme moi, des gens comme nous, c'est-à-dire les petits blancs. c'est de s'en démarquer autant que possible. C'est-à-dire que la marque de fabrique de la direction du Rassemblement national, c'est d'essayer de parler d'une manière la plus conforme que possible à la façon dont s'exprime la classe dirigeante française. Donc, sur toutes les questions cruciales, on est comme la classe dirigeante. C'est ça qui crée cette immense frustration vis-à-vis de Marine Le Pen et vis-à-vis du Rassemblement national, parce qu'il n'y a pas et c'est ça que je voudrais dire, il n'y a pas d'enthousiasme sur le vote Marine Le Pen. Contrairement, par exemple, au vote François Mitterrand, quand il y avait eu l'élection en 81, il y avait un enthousiasme autour de François Mitterrand. Il n'y a pas d'enthousiasme autour de Marine Le Pen. C'est-à-dire que les gens se disent, je vote ça, mais c'est vraiment parce qu'il n'y a pas autre chose. Vous voyez ? Or, Marine Le Pen ne pourra jamais gagner une élection si elle est une force qui n'enthousiasme pas, puisqu'elle est supposée être une force de changement. C'est ce qu'elle dit, je change les choses. Vous avez besoin de cette magie enchanteresse pour entraîner à vous suffisamment de masse. Donc vous voyez, c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que vous avez des petits blancs, donc cette classe active blanche dont j'ai parlé, sans laquelle on ne peut rien faire en France, c'est-à-dire que le régime ne peut pas fonctionner. Vous avez cette fracture générationnelle et raciale. Générationnelle, les retraités, ils dépendent intégralement des subsides de l'État, donc de cette classe active blanche. Pareillement, les immigrés dépendent de la CAF et des subsides, etc., donc de la classe active blanche. Mais c'est eux qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont pas de médias, je l'ai dit. Socialement, ils sont ostracisés. Et leur parti, qui est censé être leur parti, donc le Rassemblement, refuse de s'identifier à leurs préoccupations pour pouvoir avoir un ticket avec la classe dominante. Vous vous rendez compte de l'extraordinaire violence que ça représente pour des millions et des millions et des millions de gens. Là, 42% pour Marine Le Pen, je ne sais pas ce que ça représente. Enfin, c'est des masses énormes. C'est peut-être 15 millions de Français, et plus leurs enfants. Donc on a potentiellement 20 millions de Français, si vous voulez, qui ne sont représentés par personne, avec une classe dirigeante qui leur dit « on ne veut rien avoir à faire avec vous ». Des médias qui leur disent « on ne veut surtout rien avoir à faire avec vous ». Des syndicats qui leur disent la même chose. Les partis politiques, tous sans exception, y compris celui de Marine Le Pen, qui leur dit « on ne veut rien avoir avec vous ». Voilà, on prend vos voix, mais on n'a rien à voir avec vous. Nous, on est du côté... voilà. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent, j'ai pas connaissance, qu'il y ait d'équivalent dans aucun pays où le système fonctionne sur les élections. C'est-à-dire que dans tous les autres pays où il y a des élections, tous ceux qui sollicitent les suffrages se revendiquent d'être à l'image de leur électorat. Absolument. Je crois qu'il n'y a qu'en France où ceux qui représentent la catégorie d'électeurs en question a pour marque de fabrique de dire « mais surtout, nous, on ne représente pas ces gens-là ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ça la dédiabolisation. Hein. La dédiabolisation, c'est pas juste « ah non, non, mais on veut pas foutre des juges dans des fours ». C'est pas ça, c'est vraiment de dire « ah non, mais oulala, mais le racisme, quoi, la xénophobie, le truc, l'islam, oh, Marine Le Pen a dit ça, hein, lors de la discussion avec Macron, lors de son débat, elle a dit « l'islam a toute sa place en France ». C'est pas du tout ce que pense son électorat. Mais elle dit « oula, non, attendez, l'islam a sa place en France ». Bon, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ça me semble être terriblement révélateur du degré, je vais le dire, de ségrégation de la seule partie pratiquement du peuple français qui compte, c'est la partie qui travaille. Oui, mais tu l'as bien dit, il y a une diabolisation, justement. C'est qu'aujourd'hui, il y a des discours où on dit tout de suite, « Oh là, mais où vous voulez en venir, là ? Qu'est-ce que qui se passe, là, quand vous dites qu'il n'y a que les Blancs qui travaillent ? Ça veut dire quoi, ça ?» Et voilà, on est dans un phénomène de diabolisation. Alors naturellement, on ne dit plus c'est le fascisme, mais il y a des codes qui sont arrivés qui font dans ces sous-jacents, c'est qu'à partir du moment où vous allez dire moi je vais défendre les Français blancs qui travaillent, on va dire mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous défendez quoi, une France blanche? Mais on a déjà entendu ce discours, ça, dans l'histoire. Et donc, il y a, même si c'est sous-jacent, même si c'est pas codifié très très nettement, il y a cette, et c'est ce qu'avait prévu Maurice Bardèche, il l'avait dit, au-delà du national-socialisme, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans son champ et de dire « ce champ est à moi ». Nul n'a plus le droit de se lever dans la cité et de dire « ce sont nos ancêtres qui ont bâti la cité et que ceux qui ne veulent pas obéir aux lois sortent de chez moi ». Parce qu'il est écrit que c'est le programme d'un parti raciste condamné par le tribunal de l'humanité. C'est dans Nuremberg ou la Terre promise, à la page 58. Moi, c'est ce jour-là, quand j'ai lu ce texte, que j'ai compris ce qui se passait. Ouais, c'est ouais. Qu'aujourd'hui, même si... Une expropriation... idéologique. Oui, et éternelle, enfin, qui a vocation... Éternelle, voilà. Elle est éternelle. Et c'est ce que disait Bardèche, il disait, on nous apprend à conjuguer les verbes. Je maudirai éternellement les SS, Maurras et je suis partout. Il l'avait écrit en 48. Il avait tout compris, cet homme. Et il avait dit, attention, ce n'est pas que le national-socialisme, c'est vous tous. Et aujourd'hui, c'est cela. Et donc, on arrive à des Marine Le Pen qui voient, comme tu dis, qui trahissent tout à fait la classe qu'elles devraient. Parce que il y a un interdit qui est d'essence religieuse. Et on est perdu. Et c'est pour ça qu'encore une fois, Bardèche disait, on nous a mis des lunettes roses et on nous force de voir en rose. Et c'est ça qui se passe. Je veux dire, il avait une préscience extraordinaire. Et je sais que ce livre, moi, ça a transformé ma vie. Quand je l'ai lu cette fameuse nuit où j'étais chez Henri Roque, ça a transformé. C'est là que Vincent Renoir est vraiment né. Il a dit, mais oui, c'est ça. Et voilà pourquoi on ne peut pas faire l'économie du combat révisionniste, ce que tu as très bien compris. Même si moi, je ne demande pas à des gens qui sont sur le devant de la scène politique d'en faire, puisqu'il y a les lois, il y a les interdictions. Mais ce qui est absolument regrettable, c'est de voir que ces gens qui sont sur le devant de la scène, et je pense hélas à Marine Le Pen, qui prennent position carrément contre. C'est à contre-flot. Je dirais, comment ils se taisent? Qu'ils disent rien. Qu'ils disent, écoutez, il y a des gens qui contestent, point final, j'irai pas plus loin. Mais c'est pas ça, parce que voilà, il y a cette diabolisation idéologique qui est absolument terrible, terrible, terrible, terrible. Et tant que cette chape de plomb sera au-dessus, même encore une fois, si elle ne s'exprime pas, si elle n'est pas totalement dite, mais elle est là. Et je dirais que c'est très intéressant, vous savez, ce qui est le plus prégnant n'est pas forcément ce qui s'exprime. C'est que c'est arrivé à être comme un discours, qui est dans le subconscient, mais qui est là. Moi, je vois bien, c'est toujours comme ça. Donc, on arrive, tant qu'on n'aura pas cassé ce truc-là, et je pense que pour le casser, il faut qu'il y ait des gens qui, comme nous, soient pour l'anti-dédiabolisation, qui diabolisent à fond. Moi, c'est mon pari. Alors après, on va peut-être perdre, je ne sais pas, mais ce soir, on a encore une fois, on le voit par ce résultat des élections, les limites de la dédiabolisation de Marine Le Pen. C'est sous-jacent, mais c'est là. Le résultat correspond à l'état mental des Français, à l'état des forces en présence, à l'état des intérêts. Il y a une majorité se retrouve dans Macron, une majorité notamment de retraités, hein, principalement. Pas que, hein, on a aussi les cadres, oui, tout ça. Oui, hein. Les cadres, les fonctionnaires. Oui, il n'y a pas que les retraités qui votent Macron, quand même. Ça, oui, il y a pas. Ça serait. Oui, c'est caricatural. Oui, c'est trop caricatural. Ça biaise la vision. Ça biaise, tout à fait. Mais oui, il y a des clientèles, et les clientèles reprennent. Hein, un homme égale une voix, hein, un électeur. C'est pour tout le monde pareil. Il y a une majorité de clients qui sont contents. Quoi. Donc, ah, ça, c'est par contre, voilà. Tout à fait d'accord. Je vais rassurer, d'ailleurs, les Français. Je rassure Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, qui s'interrogeait aujourd'hui, alors qu'il revenait d'Israël en avion, sur Twitter, et qui disait voilà, j'arrive en France très prochainement par avion. Je pars d'Israël à destination de Paris, mais peut-être que ce soir, je repartirai en Israël si les résultats des élections ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Je tiens à le rassurer, il va pouvoir continuer à se comporter à Paris comme il se comporte en Cisjordanie. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je te donne la parole, bien évidemment, Vincent. Ah bah de toute façon, c'est pour ça que moi, souvent, je dis qu'il n'y aura même pas besoin de faire d'épuration si jamais on arrive au pouvoir, parce que il y a plein de gens qui partiraient d'eux-mêmes, absolument affolés, tellement que c'est le délire. Bon, mais ça, je dis ça pour rigoler, parce que c'est pas. Mais voilà, on arrive à. Encore une fois, pour moi, il faut un collapsus. Il faut un collapsus général. Mais qui voilà. Mais qui se rapproche, parce que moi, c'est ce que je veux dire aussi, parce que je crois qu'il faut, voir un petit peu plus loin que l'élection ce soir. Oui. À mon sens, parce que bon, ok, Macron est reconduit. Bon. Il est reconduit à 58% des voix. Certes, c'est confortable. Enfin, c'est pas si confortable que ça, compte tenu de la rhétorique qui mobilise contre le fascisme et l'extrême droite. C'est-à-dire que si tous ceux qui sont ralliés à Marine Le Pen au deuxième tour sont des populistes, des racistes, des xénophobes tentés par le péril fasciste, 42%, ça compte. Ça compte. Faut quand même pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, Emmanuel Macron n'a pas les coudées aussi franches qu'en 2017. Ça, c'est certain. Ah non, je pense que oui. Ça, c'est certain. Deuxièmement, au plan financier, j'ai parlé de l'endettement énorme qui est celui de la France. Dans un contexte, en 2017, qui était autrement plus favorable. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Une inflation qui est hors de contrôle, un endettement français qui est hors de contrôle, un commerce extérieur français qui s'est complètement écroulé. Et on sait que l'énergie, les prix d'énergie vont complètement s'envoler en raison de la confrontation avec la Russie. Et ça, c'est juste pour commencer. Quand vous regardez le vieillissement de la population, vous savez que les retraites vont écraser complètement les budgets, les retraites, les soins de santé, etc. Bon, on ne voit pas comment Macron ne va pas augmenter les impôts de manière phénoménale. Je veux dire, je sais pas. Il va essayer d'emprunter encore toujours plus gratuitement, parce que tout ce qu'il a obtenu jusqu'à présent, en gros, c'est de l'argent gratuit qu'on lui a prêté. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que la France, à ce stade, ne fait pas face à sa réalité économique. Donc, écoutez, si on en est là aujourd'hui, 42%, derrière Marine Le Pen, enfin, Marine Le Pen, bon, ce qu'elle est avec les limites qui sont les siennes, et un Macron à 58%. Attention, sa position est extraordinairement précaire. Ça m'amène sur un point qu'on a esquissé lors de la dernière émission, avec une relative, là aussi, préscience. Je crois que c'était Pierrot qui faisait observer qu'il ne pouvait pas se présenter au-delà de deux mandats, puisque la Constitution prévoyait deux mandats de 5 ans. Présidence de 10 ans au total. Et j'avais dit, vous savez, Macron, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il va réécrire la Constitution. Et cette semaine, la dernière semaine des échanges, Macron a repris tel quel les propositions de Marine Le Pen. Vous savez, l'histoire du septennat. Marine Le Pen, dans son programme, je crois, veut revenir au septennat. Oui, exact. Bon, je ne vais pas revenir sur le détail du pourquoi, du comment, etc. Mais bon, mais Macron, c'est quand même. Là, il faut quand même y réfléchir. Pour Macron, l'ennemi absolu du fascisme, officiellement. Barrage complet à l'extrême droite représentée par Marine Le Pen. Devrait fuir absolument les propositions de Marine Le Pen sur tous les sujets. On est d'accord. Et dans la dernière semaine, au contraire, il se précipite sur sa proposition de septennat Mais pour dire quoi? Pour dire que lui ne veut pas de limite au septennat. Parce que dans le programme de Marine Le Pen, il y a un septennat et rien d'autre. Un président fait un septennat et ensuite il quitte ses fonctions. Macron dit « Ah mais retourner au septennat, c'est pas mal du tout. Mais ce serait encore mieux si on supprimait la limite du septennat. » Et oui, je peux vous dire qu'il va y avoir une réforme de la Constitution. C'est assuré. Ça viendrait même pas tellement de Macron lui-même, bien qu'évidemment il sera très partisan de le faire. Bah oui, c'est que c'est lui qui tient le bloc. Et comme le bloc centriste voilà. Est en repli, il peut pas faire autrement. Enfin, il peut pas se permettre de jouer un autre poulain. Voilà. Donc on va lui dire, il faut rétablir la monarchie en France. Avec un semblant de légitimité démocratique, comme on dit, donc avec un pseudo-suffrage. Mais il nous faut impérativement que tu restes au pouvoir. Parce qu'il n'y a rien derrière toi. On ne peut pas retenter l'expérience. Donc voilà. Donc en fait, je peux vous garantir que oui, on va réécrire la Constitution. Oui, on va mettre soit ils vont nous mettre le quinquennat à vie, soit le septennat à vie. Oui, ils vont s'en arranger. Mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Comprenez bien, c'est fini. C'est-à-dire que les gens, là, en mettant Macron au pouvoir, et c'est ça que tous les... sauf les gens intéressés, mais il y avait quand même une part de naïfs. Ils ont vraiment voté pour l'esclavage. C'est clair, ils ont voté pour l'esclavage. C'est-à-dire qu'on va avoir un fantoche soutenu par toute la finance internationale, par tout ce qu'il faudra de réseau, etc., ad vitam aeternam. Ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de date butoir à une réélection, ça c'est garanti. Macron est déjà candidat à sa réélection, ok, ça c'est plié. Toute la bourgeoisie, tous les possédants, les banques, ils seront tous derrière et ils vont aller jusqu'au bout. Et malheureusement pour nous, face à ça, on a Marine Le Pen. Ce qui n'est quand même pas un avantage, je veux dire. Voilà, donc ça c'est la situation maintenant tout de suite. Donc, derrière et à côté, pardonnez-moi de l'expression, c'est pas très heureux, mais bon, voilà. C'est, c'est Mélenchon, qui lui aussi joue le temps long. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que Mélenchon, lui, il va dire, ouais, septennat, truc, machin, on s'en fout, au contraire. Mélenchon joue même plus tellement pour lui, lui c'est la longue durée, c'est la vengeance lui, raciale qui l'anime, lui c'est l'envie de détruire les Français de race blanche, lui, c'est ça qui anime profondément Mélenchon. Mélenchon est un homme animé par la haine raciale profondément. Et lui il veut créer des bastions négro-islamistes partout, c'est la prophétie d'Adolf Hitler. Hein, laissons la France encore 3 siècles à son évolution actuelle et nous aurons le Congo sur le Rhin. C'est la prophétie d'Adolf Hitler. Et Mélenchon veut être, si vous voulez, l'incarnation, l'esprit, le moteur de cette réalisation prophétique. Et nous sommes là, nous y sommes actuellement. Mélenchon structure politiquement ses bastions afro-musulmans, vous voyez ? C'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux, d'accord ? C'est en train d'être mis en mouvement. Donc vous avez les mouvements électoraux et vous avez les véritables mouvements de la tectonique des plaques historiques que sont la démographie, la religion, le domaine racial, bien sûr. Alors, face à ça, on peut faire mumus tant qu'on veut avec des seconds tours, des trucs, c'est pas le sujet, quoi. Donc je pense que la race blanche encore consciente en France, et bon, j'ai conscience qu'elle se réduit, hein, ne va pas pouvoir systématiquement miser sur une clocharde comme Marine Le Pen, et j'emploie les mots qui conviennent, quoi. Je veux dire... il va vraiment falloir rompre avec la logique démocratique. Oui, ça peut arriver vite. Hein. Non, parce que c'est ça, parce que si vous voulez, au bout d'un moment, nous allons trouver les principaux démocrates chez les musulmans et les noirs. Et enfin, toute la pouillerie coalisée autour de moi. Parce que les mecs... C'est pas au bout d'un moment, c'est que c'est ce qui commence à se passer. Voilà, avec voilà. Le bloc FLN de Mélenchon. Hein. Exactement. Là que les mecs disent, bah oui, on est de plus en plus nombreux, pourquoi on jouerait pas la guerre de la démocratie? Ils avaient, comment dire, Enfin, ils étaient relativement dépendants à l'époque du Parti Socialiste, et puis après, les mairies RPR, UDF, UMP, du coup, après, avaient fait ça, le clientélisme. C'est-à-dire, je te file du fric, je te file des boulots à la con, payés par l'argent public, et puis tu votes pour moi. Mais ils ont compris que c'était quand même mieux d'avoir leur propre boutique. Ça rapporte plus. Bah, ça a été toute l'intelligence de Mélenchon de savoir leur faire comprendre. Oui, c'est une alliance. Parce que c'était pas joué, parce que. Moi, je me rappelle, il y avait des gens, même chez nous, dans nos milieux, qui disaient ouais, non, mais les Arabes, ils votent pas, ils sont abstentionnistes, ça bloque, etc. Ce qui est vrai, enfin, on le sait. Mais Mélenchon a réussi à changer cet état d'esprit. Voilà, il a réussi à les faire... Il a fait voter la Seine-Saint-Denis, c'est incroyable. Il a fait sortir leur bar HLM, quoi. Je pense que, justement, comme tu disais tout à l'heure, il y a la dynamique de la lutte contre l'islamophobie. Et ça, je pense, ça a joué beaucoup dans l'implication électorale de ces gens-là. Et je pense que Mélenchon a joué sur cette affaire aussi, et c'est vrai qu'il a bien senti son coup. Pour l'heure, a réussi, ça c'est certain. Après, est-ce que ça donnera dans l'avenir? Ah non, je sais pas, c'est parce que c'est des évolutions historiques. Ce qu'a réalisé, c'est très possible. Ce qu'a réalisé Mélenchon, c'est pas simplement un coup politique. C'est-à-dire que Mélenchon a instauré, il a ouvert la voie, l'islam en France. Il y a beaucoup de politiques. C'est-à-dire, je pense qu'il a fait émerger un phénomène qui existait par lui-même. Il a accouché, on va dire. Il a accouché le truc. Mais comme l'affaire de Bobigny a fait émerger l'avortement. Oui, voilà. C'est-à-dire que bon, on sait que c'est en gestation, on sait que ça va sortir. Ceux qui ont lu Guillaume Fay, parce que Guillaume Fay était quand même très lucide sur toutes ces questions. Le Guillaume Fay de la première époque, il y a 30 ans. C'est pas que c'était Guillaume Fay qui avait vu la lumière, c'est simplement un esprit lucide qui a regardé la situation et a dit non mais les gars, c'est simplement inévitable que ça se termine comme ça. Et c'est ce qui se passe. Mélenchon a simplement. D'ailleurs, je pense que Mélenchon, en fait, c'était presque un candidat assez improbable. Je réécoutais une intervention de Ouria Boutelja, qui est elle est d'origine algérienne, elle travaille à l'Institut du Monde Arabe. Bon, c'est une activiste, d'ailleurs, elle n'est pas de gauche, en fait. Elle est relativement ethno-nationaliste au point de vue de ses conceptions. Mais elle n'appréciait pas tellement Mélenchon. Elle disait, mais rendez-vous compte quand même comment Mélenchon a évolué sur ses positions, venant d'une espèce de laïcité haineuse de jadis à aujourd'hui des positions ouvertement pro-musulmanes. C'est-à-dire, effectivement, mais en fait, Mélenchon a accepté d'être le véhicule politique de cette mutation qui était par ailleurs inévitable. C'est-à-dire que c'est pas Mélenchon qui... Voilà. En tant que non-existante, en tant que quelqu'un qui n'existe pas politiquement, de dire bah, on n'a aucun autre choix que de le soutenir à fond jusqu'aux législatives. Là, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a aucune discussion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mène ce combat de telle manière à ce que Mélenchon et l'Union populaire aient la place la plus grande aux législatives. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est pour le très court terme. Mais tout de suite après les législatives, et moi, je pense et je suis assez convaincue du fait que toutes les tendances dont tu parlais tout à l'heure, le laïcardisme, la blanchité, en fait, elle est très présente dans cette organisation. Donc, ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas faire abstraction de ça, du fait qu'effectivement, il y a des, comme tu l'as dit tout à l'heure, Wissam, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui sont allés voter pour lui, mais ça, c'est juste un geste. Mais ça, à aucun moment, il n'a le droit ou il ne peut croire qu'ils lui sont acquis. Nous, on sait qui venons de l'autonomie, on sait que l'immigration postcoloniale, elle est acquise à personne. Tout simplement parce qu'elle a été trop exclue. Elle est trop exclue, elle ne revient pas comme ça, gratuitement. Et aujourd'hui, c'est la base de la balkanisation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit avec les députés, etc. C'est-à-dire que, comment vous allez faire? Moi, je pose la question, c'est quand on parle de polarisation, parce que ça peut paraître un peu... Même en parlant de Marine Le Pen, bon, on sait très bien que c'est pas quand même une foudre de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, Ouria Boutelja a les mêmes réserves vis-à-vis de Mélenchon qu'on a les réserves vis-à-vis de Marine Le Pen, ok? en gros, c'est ça. D'accord, donc c'est ce qu'il y a de plus proche, mais c'est pas tout à fait nos conceptions, loin s'en faut même. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez dans le même hémicycle Même une circonscription touchant une autre. Des gens du Front National, du Rassemblement National ou votant Marine Le Pen, motivés par un vote racial. Et en face de ça, un vote mélenchoniste motivé pour des questions ethno-confessionnelles et raciales également. Quand vous aurez ça là qui va se toucher, comment ça va se passer, d'après vous ? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on change complètement de paradigme. Je sais que les gens sont attachés aux conceptions droite-gauche très traditionnelles, qui étaient d'ailleurs essentiellement motivées pour des questions de est-ce qu'on est catholique ou pas, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. La droite, la gauche, si on était de droite, on était catholique. Si on était athée, on était de gauche. Voilà. Ça se résumait à peu près à ça. Aujourd'hui, on va avoir un paysage politique où, en gros, on va devoir se déterminer par rapport à notre position à l'islam. C'est ça qui est nouveau. Alors, ça ne va pas recouvrir toutes les questions. Au plan économique, et sur toute une série de sujets, l'islam ne va pas tout expliquer, comme la question catholique n'expliquait pas tout au XXe siècle. Mais, au plan de l'organisation politique, il y aura ceux qui seront pour et ceux qui seront contre. En gros, c'est ça. Et puis, il y a ceux qui sont mi-figue, mi-raisin. C'est le centre macroniste. Vous voyez ? C'est ça ? Eux, ils ont les réseaux de pouvoir, ils ont les médias, ils ont les trucs. Ils observent les mouvements dans la société qu'ils ne contrôlent pas. C'est ce qu'a fait Macron avec Schiappa. Hein. C'est un coup, j'arrête des mecs d'ultra-droite, généralement derrière des trucs qui sont montés de toutes pièces, ou pratiquement. Puis un coup, je déclare une interdiction d'une mosquée radicale. J'observe les mouvements dans la société. Je tape un coup à droite, un coup à gauche. Mais en fait, je tape un coup sur les blancs, un coup sur les musulmans. Sauf qu'on sait très bien que ça ne peut pas durer éternellement. Il y a un camp qui doit le gagner, quoi. On ne peut pas gagner une guerre sur deux fronts. Et c'est la situation actuelle. Voilà. Ah oui, puis je pense que ça va en effet, ça va, comme tu disais tout à l'heure, c'est une évolution historique. Hein. Guillaume Fay l'avait bien analysé. D'ailleurs, il a eu les foudres de la justice. Hein. Nos adversaires, on en pense ce qu'on veut, mais en général, ils savent d'où viennent les dangers. Hein. Oui. Ils avaient bien compris que Guillaume Fay, c'était une bombe, notamment la colonisation de l'Europe. Si j'ai des bons souvenirs du titre, hein, je crois que c'était ça. C'était un livre qui, moi, m'est tout de suite apparu prophétique. Voilà. Hein. Alors, souvent, ces gens-là sont trop pessimistes. Donc après, on raille. Je vous rappelle du fameux article qui était paru dans Le Figaro. Serons-nous encore français dans 20 ans ? Bon, c'était beaucoup trop pessimiste. Mais ça dégageait des pistes de réflexion sur ce qui allait se passer. Et l'auteur, je crois que c'était Jean Raspail, hein. Je ne suis plus sûr, mais je me souviens encore de la couverture de cet article, parce que mon père a acheté le Figaro. Ça avait fait du bruit à l'époque. Ça avait été les années 80. C'était trop pessimiste, mais c'était là. Des gens le voyaient, mais... Serons-nous français dans 20 ans, en fait, si tu veux, qu'est-ce que ça veut dire français, quoi ? Oui, c'est ça, ça veut dire, est-ce qu'on sera encore... Non, mais je veux dire, oui, il y aura des français dans 20 ans, mais enfin, qu'est-ce que ça recoupe, quoi, tu vois, qu'est-ce que... C'est ça, et il y avait une Marianne avec le voile sur la couverture, c'est ça. Ah ben, on va y arriver, je veux dire, en fait, grosso modo, ce sera quoi une française typique ? Parce que les gens ils peuvent rigoler, mais la française typique officielle dans 20 ans ou dans 30 ans, moi je veux bien être un petit peu moins excité que ça va faire marrer les autorités françaises en disant que je suis pas un excité, mais que je suis un peu trop pessimiste. Mais je veux dire, ok, d'accord, mettons 30 ans, 2050, oui, ben, dans 2050, une Marianne voilée à visage négroïde, excusez-moi, c'est totalement dans la norme. Regardez le guide républicain qui est paru, je crois, dans les débuts des années 2000. La couverture, c'est une jeune fille avec le drapeau français, mais on voit bien, elle est issue d'immigration. Ça m'avait frappé, ça, déjà. J'avais reçu par quelqu'un qui travaillait dans un CDI à l'époque à Lyon. Ça m'avait frappé. Je m'étais dit, et quand on analyse, regardez tous les documents de la CPAM, tout ça, de la caisse primaire. Le grand remplacement, on le voit, hein, sur leur dessin, c'est là. Hein, donc on ah, c'est massif, c'est massif. C'est massif. Quand tu vas dans les les organismes sociaux, quand tu vas démarcher des assistantes sociales, etc., tout ce qui est social en France, vraiment, hein, toutes les institutions à caractère social en France, vraiment toutes, hein, toute la publication officielle. Ah oui. Ou quasi officielle, et complètement dessinée pour... je veux dire, il n'y a plus de blanc, ok ? Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une France complètement repeuplée d'halogènes, quoi. Donc, vous allez... Il y a plein d'organismes sociaux, si vous voulez. Et c'est des consignes qui ont été données, d'accord ? Pour que la France soit multiraciale, d'accord ? C'est le programme. Donc, vous allez dans tout ce qui est public, prenez un fascicule à caractère public avec, vous savez, le sigle tricolore. Tout est multiracial. Tout est absolument multiracial. Ça fait partie du conditionnement. C'est un travail. On peut se moquer des bolcheviks, des soviétiques, de l'Union soviétique, de ce qu'on voudra. Mais je veux dire, les masses françaises autochtones subissent un lavage de cerveau absolument intensif et quotidien pour qu'ils acceptent le programme qui est prévu, c'est-à-dire leur disparition physique de leur pays, remplacé par des étrangers. Hein, des étrangers, évidemment. Pareil pour les publicités. J'ai marqué souvent ça dans les pubs. Oui, absolument. Mais pour des trucs pas possibles, hein, qui s'adressent uniquement aux blancs. Enfin, on se demande des fois même comment ça peut passer, quoi. C'est-à-dire que tu dis de manière purement commerciale, ok, bon, mon public est composé à 90% de blancs, donc j'ai un intérêt économique évident à mettre en avant des blancs, mais ils arrivent toujours à nous mettre des couples interraciaux pas possibles pour des produits de blancs, avec toujours des femmes blanches blondes avec des hommes noirs, souvent dans oui, dans ce sens-là. C'est rarement dans l'autre sens, effectivement, parce qu'on sait qui est le conquérant du conquis. Que pour reprendre la propagande bolchevique, Staline faisait éliminer des photographies de tous ses opposants. Là, on fait éliminer en fait l'homme blanc des publicités. Donc, c'est vrai que tout ce qui s'adresse à l'État, moi j'ai remarqué, des fois je disais, mais il me parle bizarrement, je suis pas un débile, c'est bon, j'ai compris, quoi. C'est des papiers, des coups de téléphone, etc. Des fois, il faut faire des... Et en fait, je me dis, mais en fait, d'accord, mais ces gens, ils s'adressent aussi aux Français moyens. Les Français moyens, enfin, peut-être que les documents administratifs, bientôt, auront aussi une traduction en créole, je ne sais pas. On en rigole maintenant, mais je ne sais pas si on en rigolerait longtemps. Ils seront surtout en sigle. Vous avez remarqué, de plus en plus, c'est par des symboles, pour que tout le monde puisse les lire. C'est flagrant, ça. Il y a de moins en moins d'explications, c'est de plus en plus des symboles. Je veux dire, regarde les toilettes, maintenant, c'est des symboles. Je veux dire, Et alors, il y a aussi une propagande effrénée qui est dans les manuels scolaires. En tant que prof particulier, je le vois. Aujourd'hui, les exercices, on ne dit plus, il y a Pierre et Paul qui ont chacun 30 billes. Hein. C'est Pierre et Mouloud, c'est permanent. C'est permanent, je le vois. Ah, tu peux pas mon pseudo, c'est Pierrot, hein, donc ça, quand j'ai eu la... Je crois que c'était reporté sur le site, en plus, qu'il y avait une pignole qui était venue voir Macron, une moquière voilée, parce que son fils lui avait demandé si le prénom Pierre existait vraiment. On arrive à un point oui, où oui, on fait oui. de l'anal. Non, mais bon, de toute façon, il y a une disparition, et puis il y a une disparition de la culture. Moi, je l'avais remarqué avec les chansons enfantines. Elles valent ce qu'elles valent. Mais de mon temps, tous les jeunes connaissaient les chansons enfantines. C'est parce que ça faisait partie de la culture française. Alors, il n'y avait pas qu'au clair de la lune. Il y avait tous les chants. Mon père m'a donné un mari, le soleil vert, tout ça. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Disparu. Moi, je le vois avec mes élèves. Quand j'envoie des coups de sonde en faisant une référence comme ça, une chanson, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Toute cette culture... complètement disparu, avec surtout l'arrivée des nanotechnologies, Netflix et tout ça. Et ah oui, donc, non, mais là, c'est... Il ouais, y a déjà une disparition culturelle qui va entraîner tout à fait naturellement, et sans qu'on s'en aperçoive, une disparition physique. Pour moi, c'est vu d'avance. Hein. Ouais, c'est terrifiant. Et puis, là où il devrait y avoir une insurrection absolument généralisée pour la défense de la culture française, c'est-à-dire vraiment des... Parce que les Français, vous savez, c'est cette culture de l'assistanat, en fait, les Français sont des assistés en puissance. Hein. Donc, en fait, ils attendent toujours que ça tombe du ciel. Mais il devrait y avoir des associations, des fronts coopératifs pour organiser la défense de la culture française, sur tous les aspects, hein, parce que la culture, c'est la culture au sens germanique du terme, pas au sens de la français. Parce que les Français, ils confondent la culture et les arts, en fait. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué ça, mais les Français, ils ne comprennent pas la notion de culture, en fait. Pour les Français, la culture, c'est les arts. Oui. En fait, ou alors, c'est le folklore tout à fait superficiel. Ouais, alors que la culture au sens germanique du terme est le vrai sens de la culture. C'est-à-dire qu'en fait, la culture, c'est simplement la façon d'être au monde. Dans tous ses aspects. Donc c'est l'être complet par rapport au monde. Voyez, donc c'est autrement plus considérable que juste tiens, je te file un passe culture, tu vas voir un concert. Tu vois, ça c'est la conception française de la culture. Donc on fait une conception de cours. C'est la dégénérescence finale en fait du bordel qu'avait organisé Louis XIV à Versailles en fait. On divertit les friqués, en fait. Bon, ça, c'est la conception française. La véritable notion de la culture, c'est absolument notre rapport au monde. Bien sûr, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de voir le monde. C'est exactement qui se retrouve dans le langage. Le langage d'un peuple est absolument, doit être conservé. Moi, je ne sais pas, parce que je suis puriste de la langue française, Dieu sait si je ne suis pas bon en orthographe, mais c'est parce que la façon dont vous parlez est le reflet de votre peuple. Par exemple, un Français dira « J'ai traversé la rivière en nageant ». L'important, pour lui, c'est ce qu'il voulait faire. En nageant, bon, d'accord, ça vient après. Alors qu'un Anglais dira « While swimming, I cross the river ». C'est-à-dire « En nageant, j'ai traversé la rivière ». Lui, il commence par dire la méthode. C'est parce que c'est un peuple beaucoup plus la fin justifie les moyens en quelque sorte. Ce que je veux savoir d'abord, c'est comment tu l'as fait. Après, je veux savoir ce que tu as fait. Nous, c'est complètement différent. Je veux savoir d'abord ce que tu as fait et ensuite tu me diras comment tu l'as fait. Et ça, c'est une façon de voir qui est très très différente. Ça se retrouve dans le langage. Or, quand le langage se perd, eh bien, c'est l'âme du peuple qui se perd. Et c'est pour ça qu'il faut conserver la langue. Encore une fois, c'est pas une histoire de dire « je suis un puriste, un esthète de la langue ». C'est pas ça du tout. On n'en a rien à faire de votre purisme de la langue. Ce qu'il faut, c'est conserver l'esprit du peuple. Et ça se conserve avec des expressions, des chansons qui sont beaucoup plus profondes qu'on veut bien le penser. Et tout ça, ça disparaît. C'est horrible, horrible de voir cette disparition culturelle. Et organisée, d'ailleurs. Organisée, donc. Et organisée. Donc on voit Blanquer, à sa façon, parce qu'il est un escroc, enfin fumiste, escroc, tout ce qu'on voudra. Véran dans la santé aussi, qui est, enfin c'est sidérant de voir l'équipe qui a été reconduite quand même. Hein. Je veux dire Véran quand même. Tout à fait. Véran quand même, je veux dire. Les mensonges de ces gens à tous les niveaux. Alors, mais le problème, c'est que bon, on nous dira toujours. Et d'ailleurs, les gens qui ont voté pour Macron diront toujours, ah ouais, vous êtes bien gentil, mais bon. Et en face, il y avait quoi? Alors, c'est sûr qu'avec Marine Le Pen, t'es vite à court de crédibilité. Enfin, il faut quand même reconnaître que bon, voilà, c'est-à-dire dans tous les domaines, c'est la catastrophe avec l'équipe Macron. C'est-à-dire que ils ont réussi à vendre leur équipe comme une espèce d'équipe d'experts rompus à tout. Non, ils ont simplement essuyé un tas de sauts de merde, mais ils sont experts de rien. Je veux dire, en tout cas de rien en réalité, parce que quand tu vois ce qu'ils ont produit, c'est catastrophique. Mais ça passe, c'est comme ça. Bon, moi je pense que les Français, moi je vous le dis, et c'est pas par haine personnelle vis-à-vis de Macron, parce que je veux dire, Macron, c'est pas un personnage que j'aime, mais c'est pas un personnage pour lequel j'éprouve particulièrement de sentiments d'antipathie. Tu vois, c'est pas lui, si vous voulez. Par exemple, j'éprouvais beaucoup plus de sentiments d'antipathie au niveau personnel pour quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, par exemple, que je trouvais profondément détestable, hein, qui était enfin, il était vraiment méprisable, Sarkozy, quoi. Bien sûr, des gens diront Macron, il a ses débats. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que nous sommes arrivés à un stade où il fallait pas reconduire Macron si on voulait éviter la catastrophe. Voilà. Il fallait faire dérailler le train de l'Union européenne, du conflit contre la Russie, de la folie vaccinatoire parce que, attention, ils vont revenir avec ce truc, c'est sûr, c'est sûr. Ils vont jouer sur tous les tableaux. Ah bah ça a déjà commencé hein, ces derniers jours. Il y a une petite musique qui reprend. Voilà, on va dire voilà, mais vous comprenez voilà. Et alors les connards qui vont... les vaccins sont commandés déjà de cette manière. Oui, hein, pour le mois de mai, on avait compris. Bon, ils savaient. Alors allons-y. Ouais, bon, on y va. On y va. Allez. C'est pas pour rien. Ouais, mais c'est et il se dit que le prochain ministre de la Santé serait un certain Maluret, je crois, qui était un partisan de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire, même chez les enfants. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont rêvé de vouloir faire, qu'ils n'ont pas pu faire avant les élections, ils vont le faire, bien sûr. Voilà. C'est tout. Bah avec 58%, c'est confortable, ils peuvent se permettre. Confortable. Oui, il y a un certain confort sans être non plus... sans avoir la même aisance qu'en 2017. Mais oui, il y a quand même un... Bah, il y a le confort que confèrent les boomers, quoi, en gros. Hein ? Oui, oui. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Donc... Une petite exemption... Comme tu disais tout à l'heure, pour les territoires d'outre-mer, hein, parce que bon, visiblement, ouais, pour éviter la... énervé. Ouais, éviter qu'il y ait des meurtres quand même, ouais, voilà. Voilà, pour éviter que des préfets se fassent dévorer. Ça, ouais, voilà, ouais. Voilà. En disant oui, mais vous comprenez, les dom-tom, c'est loin, vous comprenez, c'est difficile. Voilà, voilà, pas au même rythme, hein, on va dire ça comme ça, voilà, oui. Où ils vont monter des trucs genre délai de concertation, tu sais, comme ils savent baratiner. Tu sais. Oui. Et voilà quoi. Donc ils vont piquer la métropole et, ils vont laisser. Bah, disons que oui, s'il faut une obligation vaccinale pour aller travailler comme ce qui a été fait en Italie, bon, les dom-tom, obligation d'aller travailler. Si bon, ça va, c'est vivable, ils bossent pas, donc ils s'en foutent. Hein. oui, aussi, mais bon. Déjà, surtout. Ils vont encore moins bosser, enfin, ça peut être intéressant. Non, mais travaillez aux Antilles déjà, bon. Téléphone-moi si tu veux. tu peux m'envoyer un dessin aussi pour que j'essaye de comprendre un peu. je sais pas. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Et ben, à la semaine prochaine, ravi d'avoir été avec vous ce soir. Je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.